Dans le cycle des émissions consacrées au théâtre de Jean Cocteau, la radiodiffusion française présente... La machine à écrire, pièce en trois actes. En voici la distribution. Gabriel Dorzia, Solange. Michel Alpha, Margot. Marcel André, Fred. Serge Nadeau, Didier. Jandeline, la demoiselle des postes. Pierre Leproux, le récitant. Et Raymond Pellegrin, dans le double rôle de Pascal et de Maxime. Prise de son, Jean-Jus Forgue. Réalisation, Henri Soubéran. Un salon dans le petit hôtel de Didier. Un salon cossu et provincial. Margot est seule, en costume de gymnastique. Elle est étendue par terre, au milieu de la pièce, et fait des exercices. Voyou, cochon, crétin, saligo, imbécile. Voyou, cochon, crétin, saligo, imbécile. Voyou, cochon, crétin, saligo, imbécile. Qui est là? On n'entre pas, qui est-ce? C'est nous. Qui nous? Moi, Didier. Avec qui es-tu? Avec l'oncle Fred? C'est Fred et moi. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ma culture physique, c'est le seul tapis de la maison. Ah, je vous écoute, chère madame. Voyou, cochon, crétin, saligo, imbécile. Je déteste faire mes exercices. Cette manière de compter me donne du cœur. Mais folle, il suffirait que la femme de ménage t'entende. Mais elle ne m'entendra pas. Il est même peu probable qu'elle remette les pieds chez nous. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité, je lui ai cassé la figure d'un seul coup de porte. Diable, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Je déteste qu'on m'espionne. Cet après-midi, je tapais mon drame. J'ai senti qu'on écoutait à ma porte, qu'on essayait de surprendre mes mystères. Dans cette ville, tout ce qui tape à la machine est suspect. Méfiez-vous. J'ai bien pris mon temps et comme par chance, cette porte s'ouvre à l'extérieur. J'ai donné un coup de porte à tuer un bœuf. Mais, ma pauvre Margot, est-ce que tu te rends compte de l'imprudence que tu as commise? Fred te l'a dit, dans une ville où tout le monde est suspect. Ce coup de porte me soulageait. Et j'oubliais le plus drôle. Quelquefois, pour travailler là-haut, je mets les vieux costumes de théâtre de Judy. Si vous aviez vu la tête de la victime... Je t'ai répété 100 fois qu'il m'était très pénible qu'on touche à ses costumes. Tu préférerais les laisser manger au mythe et pendu dans l'atelier comme les femmes de Barbe Bleue. Judy soignait ses vieux costumes. Elle nous les cachait, je les laissais dans cet atelier avec ses souvenirs. Cet atelier, ces costumes, c'est Judith pour moi. J'ai déjà été très lâche de te permettre d'y vivre. Eh bien, moi, j'estime que c'est une chance que j'y vive et que j'aime y vivre. Je respecte autant que vous la mémoire de Judith. Mais jamais je n'admettrai le deuil de province. Ce deuil qui empaille les morts, qui ajoute de la mort à la mort. Moi, je suis sûre que Judith serait heureuse que je fasse revivre ses robes et son atelier. Elle n'aimait que s'y cacher avec ses souvenirs de théâtre. Elle n'aimait que ses souvenirs de théâtre. Et moi, j'écris des drames et je les récite. Et j'empêche cet atelier de mourir comme elle. De mourir d'ennui. Margot, Margot, je ne te permettrai pas de... Didier, tu es un amour quand tu te fâches. Fâche-toi encore. Elle est impossible. Soyons impossibles, oncle Fred. Soyons impossibles et tâchons de convertir Didier à la nage. D'accord, vive les scandales, les pieds dans le plat. Il n'y a rien de tel pour changer l'air. Bravo, oncle Fred. Dans une minute, vous allez me dire que le scandale des lettres anonymes nous tombe du ciel. Que cette ville est tout fait sous le convenable et n'attendait qu'un scandale pour casser les vitres et changer d'air. Et pourquoi pas? Je monte, je vous laisse. Pascal est revenu? Non. Quel serin! Sa première sortie après 5 semaines de chambre. Il n'y a rien de plus long qu'une otite. Pourquoi n'a-t-il pas dîné en bas? Je suppose que la cuisine de Nounou ne le tentait pas. Ah, ne me demandez pas de faire la cuisine, par exemple. À tout à l'heure. Je n'apparaîtrai plus qu'en costume de Lucrèce Borgia. Mais seigneur, vous êtes tous empoisonnés. Oh. C'est ce qui arriverait si je devais faire la cuisine. Oncle Fred! Quoi encore, poison? Je vous aime! Et voilà, je plais aux femmes. Je ne sais pas si tu plais aux femmes, mais tu as ensorcelé ces deux-là. Quels deux-là? Ben, Margot et Pascal. Ils ne jurent plus que par toi, eux qui détestent tout le monde. Tu n'as eu qu'à paraître. Ça n'a pas été long. Et toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, et toi? Est-ce que je t'ai aussi ensorcelé? Oh, moi, j'ai des choses faites. Je t'aime, Fred. Tu es mon plus vieil ami. Tu m'avais ensorcelé au collège et je me demande comment j'ai pu vivre des années sans te voir. J'habitais pas en France, Didier. Je pensais souvent à toi. Et tu m'as jamais écrit une ligne. Bon, je te croyais mort. Mais je déteste écrire. Pour le service, je me force à écrire. Je suis désordre. Désordre? Mais oui, désordre. J'aime ces enfants parce qu'ils sont maladroits, gaffeurs, insupportables. Je t'aime parce que ta routine est un vernis sous lequel tu es resté enfant comme eux. Permets. Ah, permets. Est encore une routine. Tiens, je t'adore. Et c'est parce que je t'adore, parce que j'adore ta petite famille, parce que cette affaire de lettres anonymes sera ma dernière affaire. Parce que je me frotte les mains d'envoyer ma démission après et de devenir ton associé, parce que je me félicite de vivre dans cette ville comme un des vôtres, que je dois en finir de jouer cette comédie honteuse. Fred, je t'en conjure de parler. Je parlerai. Tu es complètement fou. Il est possible que je sois fou, mais je ne suis pas ignoble. Or, il est ignoble de prolonger cette comédie et de tromper les gosses qui m'aiment et qui ne se doutent de rien. Te rends-tu compte de ce qui va se passer? Tu les connais. Oui. Tout est en volte-face. Ils n'admettent aucune nuance. Un criminel a toujours raison, la police a toujours tort. Ils ne verront qu'une seule chose. Police. Tu seras la police. Et toute ma chance de t'avoir vu réapparaître, tous nos projets d'avenir tomberont à l'eau. Mais je suis la police, mon brave Didier. On t'a renvoyé dessus parce que tu avais le cœur pour entendre. Et voilà. Je voulais quitter une carrière où j'étais entré par hasard, par goût de l'aventure. J'allais tirer ma révérence lorsque cette sale affaire de lettres anonymes éclate. Qu'est des orfèvres, on me demande si je veux la prendre en main. C'était une espèce d'exil. Là-dessus, je me rappelle que tu habites en province, sur les lieux. Tu me loges, je passe pour le vieil ami d'enfance, l'oncle de Chine, l'oncle Fred. Je m'attache à vous. Margot et Pascal m'adoptent. Et tu voudrais que je ne les avertisse pas? Que je m'enfonce de plus en plus dans ce pétrin? Non, mon vieux, non. Ne me le demande pas. C'est fait. Qu'est-ce que cela te coûte d'attendre? De te démasquer une fois l'affaire finie, quand tu auras découvert le criminel. Si je le découvre, chaque jour rend mon rôle plus difficile et l'aveu plus pénible. Ne parle pas sans je t'en conjure. Mais pourquoi tarder? Mais parce... Fred, oui. Il risque d'arriver de l'imprévu. Quelque chose qui te démasque à ton avantage. Tandis que là c'est courir au-devant d'une catastrophe. Tu les connais mal. Ils ne se sentent à l'aise que dans l'extravagance. À froid. On a vu produire un effet sinistre. Depuis que tu habites chez nous, il me semble que je rêve. Tout est simple, facile, agréable. C'est moi qui fais la bonne affaire, Fred. En te priant d'être mon associé, on ne dérange pas ce rêve. Je te demande cette preuve d'amitié. Mais puisqu'il faut tôt ou tard, j'estime... N'oublions pas que Margot a été prise par ma femme avant de me connaître à l'assistance publique. Si elle était une fille de criminel. Si ces révoltailles de la police lui naissent d'atavisme, étaient irréductibles. Quant à Pascal, il est amoureux fou de Margot. Et elle le mène par le bout du nez. Alors prends garde. Soit. Mais laisse-moi libre de choisir le moment de sortir d'un rôle qui me convenait tant que ta maison était une maison quelconque et qui me révolte depuis qu'elle est devenue ma maison. À ton aise ? Le plus tard sera le mieux. Ah, si cette maudite enquête pouvait aboutir. Y a-t-il du neuf? Ah, bien sûr qu'il y a du neuf. Il y a toujours du neuf. Trop de neuf. Beaucoup trop de neuf. Et peut-on le savoir? Ah non! Non, Didier, non. Même avec moi, je déteste parler de mon travail. Ça l'a fait? Ça l'a fait. Très. Très, ça l'a fait. Ah, voilà Pascal. Bonsoir. Tu permets que je m'asseye? Je suis éreinté. Ah, tu es resté dehors beaucoup trop longtemps pour une première sortie du soir. Je voulais me rendre compte. De quoi? De l'atmosphère charmante de notre ville. C'est honteux. Qu'est-ce qui est honteux? La police. Il est honteux que la police ne fasse rien et laisse une ville dans un état pareil. Pascal! Mais qu'est-ce que tu as? On dirait que je fais une gaffe. Personne de nous n'est de la police que je sache. Dieu merci. Tu parles de la police sans la connaître. Tu es resté 5 semaines à la chambre. Tu sors. Et je constate que la police... au lieu de se remuer, de chercher, d'envoyer sur place des personnes compétentes, laisse une ville croupir dans la boue et dans la terreur. Mais Pascal a raison. Ah, tu vois, je ne suis pas le seul. La police ne te consulte pas, mon petit bonhomme. Elle ne travaille pas au grand jour. Le grotesque se couvre de ridicule. Ouais. Exact. Les journaux ce matin parlaient d'une nouvelle piste. Ah, et laissaient prévoir un coup de théâtre. Les journaux ne se repaissent de notre boue. Tous les matins, tous les soirs, en première page, ils mettent le lecteur en haleine et il n'y a pas de raison pour que cela cesse. Là, j'ai dîné au cercle. Au cercle. Oh, bien sûr. Notre cercle n'a rien à voir avec le Jockey Club. Oncle Fred, ne m'écrasez pas sous votre supériorité parisienne. Notre cercle, c'est le café du commerce. Bon, bon. On ne m'a même pas demandé de mes nouvelles. On ne s'est même pas aperçu que je revenais après 5 semaines d'absence. Que j'avais évité la mastoïdite, la méningite. Que j'avais failli mourir. Nous étions 5 en tout et pour tout et la caissière en larmes. Et pourquoi la caissière était-elle en larmes? Mais à cause du suicide du colonel. Le colonel était une vieille canard. Non, c'était un très bon joueur d'échecs et un joueur de billard de premier rang. Ah. Et c'est la dernière victime. Le dernier mort. On attend les autres. Chacun se demande si c'est soi. Il est inadmissible que sous prétexte qu'un inconnu décide tout d'un coup d'inonder une ville de lettres anonymes, de brouiller les uns et de pousser les autres au suicide, les journaux ne parlent plus d'autre chose. N'hésitent pas à raconter en détail les moindres secrets des familles et sous prétexte de mystères et de découvertes sensationnelles, fassent le jeu d'une police impuissante. Impuissante, elle vaut. Pascal, tu vas mieux te coucher. Tu as les yeux jaunes et une mine de chien. Ouais. Une mine de chien et un caractère de chien. Ça doit être la pile. Veux-tu que j'appelle Margot? Monter la surprendre. Monter surprendre Margot? Cher oncle Fred, comme vous y allez, on voit bien que vous ne connaissez pas encore les usages. Oui. Margot m'a soigné comme un ange parce qu'il lui plaisait de jouer un rôle d'ange. Monter dans son domaine est une autre histoire. Non, du reste, je n'y tiens pas. Je détesterais me sentir dans cet atelier où ma pauvre maman rangeait et essayait ses vieux costumes. Chaque fois que je traverse le rez-de-chaussée, je me dépêche et je fais un détour. J'évite de passer devant la chambre de maman. Eh bien, voyez-vous, Pascal, là, je ne partage pas votre manière de voir. Et je trouve celle de Margot plus compréhensible. Ah. Oui, je déteste la mort morte. J'aime la mort vivante. J'aime les fantômes. J'aime être hanté par eux. Chacun son système. Eh oui. Papa et moi, nous détestons les fantômes et déranger les ombres. Non, du reste, c'est peut-être que Margot n'est pas la fille de maman. Si elle était sa fille, au lieu de n'être que sa fille adoptive, sans doute aurait-elle le même malaise que nous à entrer dans les chambres où maman vivait et où elle est morte. Possible. Margot m'avait dit de la prévenir de ton retour. Je vais la chercher. Non, une seconde. Une seconde, papa, j'ai hâte de parler. Ah, je vous laisse. Non, oncle Fred, non. Vous n'êtes pas de trop, au contraire. Il faut que je parle à papa et que je vous parle. Mais tu ne me dis pas ça par politesse. Non, je ne dis jamais rien par politesse. Non. Je serais très heureux de n'avoir aucun secret pour vous. Mais c'est que... Reste, Fred. Alors, Pascal. Et bien voilà. Ce soir, avant d'aller au cercle, enfin, au commerce, je suis entré à la poste. Écoute bien, papa. Et la demoiselle des postes m'a dit... Bonjour, monsieur Pascal. Vous avez moins bonne mine que samedi dernier. C'est tout. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Mais sur le moment, je n'ai pas compris non plus. C'est après. La ressemblance entre vous est si parfaite. La ressemblance? Nous sommes jumeaux, oncle Fred. On peut me prendre pour Maxime et prendre Maxime pour moi. Oh, non, non. Il est vrai, a-t-elle ajouté, la demoiselle des postes, que samedi dernier, vous portiez un chapeau. Le chapeau. Mais Maxime sort de Calvi. Je suppose qu'il doit avoir les cheveux rasés et qu'il les cache. Maxime serait ici? Sans aucun doute. Mais qu'est-ce que Maxime peut bien faire dans cette ville? Je me le demande. Ben, le fait est là. Depuis combien de temps étiez-vous sans nouvelles? J'ai su que Maxime avait purgé sa peine et qu'il était libre, je ne savais rien d'autre. Ben, il a peut-être essayé de se rapprocher de vous. Pas possible! Maxime me connaît. Ce qui est dit et dit, c'est qu'il n'y a rien à attendre, rien. Il n'en mettra jamais les pieds chez moi. Tu ne peux t'imaginer mon malaise au cercle, ses lumières éteintes ou basses, ses ombres muettes, ses journaux lus en silence, cette caissière en larmes, et l'idée de cette ville morte, de cette ville en état de siège, avec ses rues vides et ses volets fermés. Où Maxime rôde et peut-être prépare un mauvais coup. Non, ça me coupe les jambes. Qu'est-ce que Maxime peut bien faire dans cette ville? Qu'est-ce qu'il peut bien faire dans cette ville? Attendez! Vous aurez probablement de ses nouvelles. Vous allez prévenir Margot? Mais non! Non, c'est pourquoi j'ai voulu vous parler seul et sans Margot sans doute. Mais pourquoi ne pas prévenir Margot? Parce que... Ah! Bon, très bien, très bien. Mais qu'est-ce que Maxime peut avoir à faire dans cette ville? Tout était si en ordre, tout marchait si bien. Ça, papa. Exact, Pascal, tout ne marchait pas si bien. Encore une phrase de routine. Permets-moi de te dire, mon cher Didier, que cette ville méritait en quelque sorte le feu du ciel. Prenons un exemple, tiens. Tu épouses une femme qui renonce pour te suivre en province, au théâtre et à la gloire. Une. Toute la ville te tourne le dos parce que ta femme est une ancienne actrice. Elle t'apporte une petite fille de l'assistance publique, adoptée par elle avant ta rencontre, et elle te donne des jumeaux. Deux, ta femme meurt de tuberculose. Tu es riche, riche industriel. La ville te fait des grâces, mais elle garde ses distances avec Margot. Pensez donc, on ne sait pas d'où elle sort. Didier, ces méchantes petites villes méritent les pluies sauterelles. ou de lettres anonymes qui la dévastent. Et le mystérieux criminel qui signe la machine à écrire possède jusqu'à nouvel ordre toute ma sympathie. Oui, ce qui n'empêche pas la police d'être au-dessous de tout. Ce qui n'empêche pas la police d'être au-dessous de tout. Et ce qui n'empêche pas qu'il faudrait mettre la main dessus au plus vite. Je ne veux pas dire que j'approuve les méthodes de notre criminel, mais il fait souvent figure de justicier. Oui, attendons notre tour et nous jugeons. Oui, la présence de Maxime fournira des armes au scandale. Mais quel scandale ? Observez la méthode du criminel. Ruine, broute, suicide, où travaille-t-il ? Dans les familles qui cachent une tarte ou un explosif. Tu n'as rien à craindre, mon cher Didier. Pour que la machine à écrire se mette au travail, il lui faut un prétexte. Or, tout le monde sait tes histoires. Tout le monde sait que Maxime s'est engagé dans la marine et qu'il a été pincé par erreur pendant la mutinerie d'Ernest Renan. Par erreur, enfin. Ah ben oui, mais tu peux dormir tranquille. La machine à écrire ne s'occupe que de ce que tout le monde ne sait pas. Et tout le monde ne sait pas que Maxime est en ville. Je te l'accorde. Et c'est pourquoi nous allons essayer d'en apprendre plus long. Mais seigneur, vous êtes tous... Oh. Eh ben, Pascal... Idiot, tu m'as fait peur. La plaisanterie était bien innocente. Tu n'es guère solide encore. Mais naturellement. Pour ma première sortie, j'ai dîné au cercle, c'était lugubre et il ne faisait pas chaud. Là, j'ai la fièvre. C'est bien fait. Tu avais dit de ne pas sortir le soir. Mais monsieur va au cercle. On devait y porter le deuil du colonel. Juste. Les imbéciles. Et je soigne monsieur. Et monsieur va au café du commerce pleurer le colonel. Tu peux crever, ma vieille. Là. Ça n'est pas moi qui suis prêt pour l'enterrement. Ah, vous êtes superbe, Margot, Lucrèce Panchia. Si vous croyez que Pascal me regarde, Pascal s'écoute. Comment, moi, je m'écoute? Est-ce que tu me regardes? Franchement, Margot, tu le sais, je n'aime pas que tu te déguises avec les costumes de maman. Je ne lui fais pas dire. Vous adoptez le style deuil. Le style vilain deuil. Vous confondez le deuil de Judith et le deuil du colonel. Vous me dégoûtez, voilà. Alors, Lucrèce. Non, c'est vrai. Pascal prétend être un esprit libre et il n'arrive pas à sortir des routines. Je ne peux plus voir les gens qui disent des phrases toutes faites. J'en ai plein le dos. On sonne. Qui ça peut-il bien être? Si c'était qui? Non, rien, rien. On ressonne. Et où est-ce tous? Planté comme des piquets. Vous crevez de peur. J'irai, moi. J'ai failli dire si c'était Maxime. J'entends des voix de femmes. Mais dans cette ville, passé 10 heures, personne ne sort. Ben, il m'avait bien semblé entendre une auto. Marco! Je mens. C'est une surprise. Une surprise? Devinez. Qui était-ce? Sol. Quoi? Solange. Elle est en bas. Je lui dis quel mot? Mais enfin, papa, on ne peut pas la laisser dans le vestibule. Fred. Oui. Que faut-il faire? Que penses-tu, toi? Oh, moi. Entrez, madame. Entrez vite. Ma robe vous étonne? C'est un costume de Judith. Vous êtes ravissante, ne vous excusez pas. Bonjour, Didier. Bonjour, Solange. Pascal. Bonjour, Solange. Que vous avez l'air mal à l'aise. C'est sans doute l'heure de ma visite. Une heure inhabituelle en province. Mon Dieu, Didier, remettez-vous. Est-ce que je vous dérange? Non, du tout. Oh, tant mieux, j'en serai navré. Oh, pardon, permettez-moi de vous présenter un vieil ami, monsieur... Ah, inutile, Didier. Nous nous connaissons. Bonjour, Fred. Bonjour. Ah, vous connaissez? Mais oui. Cette ville n'est pas très gaie. Alors, on regarde le château, on le visite, on rencontre la châtelaine. Fred est souvent venu à Malmort. Fred, pourquoi ne me l'avais-tu pas dit? Mais tu ne me l'avais pas demandé. En outre, c'est mon genre, le genre de Margot, le genre mystérieux. J'ai le genre mystérieux. Asseyez-vous, ma chère Solange. Merci. Pardonnez ma surprise, je m'attendais si peu à vous voir. Ouais, écoutez, Didier, avant l'affaire, je vivais avec mon fils Claude la vie étriquée de province. Claude est allé à Paris pour suivre ses études, moi je devais rester et gérer Malmort. Depuis l'affaire, la sottise de nos habitudes de province m'a sauté aux yeux. Je me demandais ce soir pourquoi un homme et une femme qui ont dû s'épouser et qui ne l'ont pas fait doivent renoncer à l'amitié et à des rapports agréables. Et puisque vous vous en teniez à une attitude et à une réserve de province, j'ai décidé de faire les premiers pas. Ah, combien de fois n'ai-je pas exprimé mon regret de cette rupture? Solange, si je n'ai pas donné suite à... C'est la faute de Pascal, madame. Comment? Ce n'est la faute de personne. Ma faute? Par exemple, mais c'est elle. C'est moi, elle il est fou. Comment ce n'est pas toi qui m'as monté la tête, qui m'a répété 1000 fois que je ne devais sous aucun prétexte laisser une femme entrer dans la maison de ma propre mère? Ne les écoutez pas, Solange. Oh. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est moi Et moi seul. Toi seul, ce n'est pas Pascal qui t'a défendu, de laisser une femme pénétrer dans la maison de Julie? Oh, la menteuse! Elle crevait de jalousie de voir une vraie femme diriger la maison et l'éclipser. Oh, salvette, salvette! Elle crevait de jalousie, vous dis-je, elle m'a poussé, énervé, talonné, exaspéré, jusqu'à ce que je conseille à papa de ne pas vous prendre pour femme. Pascal! Mais laissez-les, Didier, ils sont adorables. Les mariages de raison, rien n'existe de plus absurde et de plus dangereux. C'est une chance qui nous a éloignés l'un de l'autre. Oh, vous ne m'en voulez pas, Solange? Je vous en voudrais de prendre ce malentendu au tragique. Alors, mais il me semble que dans la bagarre, nous avons perdu le sens de la direction. Il s'agissait, si je ne me trompe... Il s'agissait d'une visite amicale et de choses importantes que j'avais à dire à Didier. Voilà. Mon cher Didier, vous connaissez Claude. Oui. C'est un garçon de 15 ans, un boy scout environné de camarades couverts d'insignes. Ils adorent les mots d'ordre et les conciliabules, et aussitôt qu'ils ne campent plus en troupe, ils se réunissent à 7 ou 8 et forment des sociétés secrètes inspirées des films de gangsters. Bref, Claude ne quitte ni sa bicyclette ni la forêt. Et là se déroulent les cérémonies, les serments et les épreuves de la bain noire, une société secrète idiote dont il est un des chefs de file. On jure de ne rien dire en dehors des séances en forêt. Seulement à 15 ans, on crève d'envie de raconter ses secrets. Et Claude me rebat les oreilles avec la main noire. Ma chère Solange, je ne vois pas le... Un peu de patience. Il y a 2 mois, Claude affectait des airs de plus en plus mystérieux. Et il finit par m'avouer que la main noire avait un chef extraordinaire, qu'ils avaient rencontré ce chef en forêt, que ce chef était un grand, sic, et que ce grand qui vivait dans la hutte d'un bûcheron comptait les mener vers les aventures et les prodiges. J'étais, je l'avoue, un peu inquiète. Je laisse Claude très libre, mais il est naïf. Ses camarades et lui peuvent devenir les victimes de n'importe quel aventurier. C'est pourquoi, lorsque Claude, un matin, me dit que le chef était malade et qu'il me suppliait de lui permettre de l'amener à Malemort, je me suis fait supplier pour la forme et j'ai fini par accepter de recevoir ce chef. Mon cher Didier, le chef qui exerce un tel charme était une loque. Cette loque avait une bronchite, un point pulmonaire et 40 de fièvre. Cette loque portait un vieil uniforme de marine. Et cet ensemble lamentable de loques était votre fils Maxime. Hein? Maxime? Maxime. Je l'ai logé chez le garde, je l'ai soigné, je lui ai mis des ventouses et des cataplasmes. Et comme Claude quittait Malemort pour une boîte de Paris où il fait ses études, je lui ai promis que je laisserais Maxime chez le garde et que je le soignerais jusqu'à sa complète guérison. Il y est encore. J'ai donc Maxime chez moi. Mais c'est fou, je rêve. Non, vous ne rêvez pas, Didier. Votre fils loge chez moi. Ou pour être plus exact, logeait chez moi. Car il circule un peu, le moins possible. Et depuis avant-hier, il n'est pas rentré au château. J'avoue être assez inquiète, et c'est pourquoi j'ai négligé les convenances, j'ai envoyé promener le cérémonial de province, et j'ai décidé de vous mettre au courant. Fred, tu le savais? Je sais tout. Fred m'a conseillé de venir vous voir. Oui, l'oncle Fred devrait être détective et rechercher la machine à écrire. Il l'a trouvée. Enfin, où peut-il être? J'avais pensé, j'avais espéré qu'il serait peut-être chez vous. Chez moi? Oh, jamais. Maxime a tué sa mère. Pas une minute, il n'a eu pitié de cette malheureuse. Pas une minute. Pas une minute, il n'a pensé qu'elle souffrait, qu'elle était malade. Bon, il a été son bourreau. Didier! Est-ce que cet enfant n'avait pas lui-même une santé très délicate? Mais ce n'est pas une excuse. Sa femme souffrait peut-être aussi de voir cet enfant souffrir. Margot m'a parlé de fugue, de crise, d'épilepsie, de somnambulisme. Il en jouait. Il se sauvait. C'était une crise de fugue. Il se roulait par terre de rage. C'était épileptique. Il chapardait la nuit, dans la cuisine. Il était somnambule. Oh non, papa, il faut être juste. Oui, naturellement, Margot va le défendre. Oui, je vais le défendre. J'ai vu ses crises, moi. Et la nuit où il marchait, où Didier l'a réveillé avec une gifle, j'ai cru qu'il allait mourir sur place. Je l'ai martyrisé, je suis un monstre. J'ai jamais dit cela. J'ai dit que Maxime était un malade et qu'il en profitait. On ne savait jamais s'il avait une crise ou s'il faisait semblant d'en avoir une. Et vous avez fini par croire qu'il jouait toujours la comédie. Vous avez été injuste. Injuste. Mais votre Maxime, je le connais sans le connaître. Mais tu l'excuses. Oh, moi, j'excuse tout le monde. En ce qui concerne Maxime, je le devine pareil à beaucoup de garçons de son âge. Sombre, nerveux, secret, menteur, comédien, têtu, faible, adorable. Oui, Maxime est adorable. Oh, Margot! Vous ne m'empêcherez pas de dire ce que je pense. Tu es la première à approuver papa de l'avoir mis à la porte et d'être inflexible. Quand Maxime est à la maison, il m'énerve, je le déteste. Quand Maxime est loin, je lui trouve toutes les qualités. Oui, il suffit d'être là, de se mettre en quatre pour que tu nous détestes. Je sais ce qu'il me reste à faire. Eh bien, pars, mon garçon, pars, qui t'empêche? Nous verrons si tu te débrouilles aussi bien que Maxime. Oh, c'est pas malin de se débrouiller en mendiant et en vivant au crochet des autres. Pascal, est-ce pour moi ce que vous venez de dire? Enfin, il crevait de froid et de faim, et sans vous... J'ai soigné chez moi le fils d'un vieil ami que j'aime, et qui m'a été amené par mon fils. Vous vous repentirez peut-être d'avoir été trop bonne. En quoi? Vous serez volé ou assassiné. Oh. Maxime est capable de tout. Ah, oh, Pascal, Pascal! Tu es ignoble! Assez! Solange, ma chère, vous avez été très imprudente. Et vous êtes libre d'agir comme vous l'entendez. Je ne vous donne aucun conseil. J'aimerais simplement savoir le but exact de votre visite. Le but exact? C'est très simple, Didier, je vous le répète. Cette affreuse affaire m'a en quelque sorte grisée, secouée, éveillée, libérée. Je n'en garde pas moins mon bon sens. Malemort est une petite ferme avec une tour, c'est le seul parc de la ville. Pour la ville, c'est le château, un château où j'habite seule, où je suis la cible de tous les regards et de toutes les malveillances. On me croit riche et on me jalouse. D'autre part, si les lettres de la machine à écrire sont nombreuses, mille fois plus nombreuses sont les lettres anonymes écrites à la police, où chacun accuse les autres, invente, dénonce, se venge, essaye de perdre ou de noircir. Il paraît que ces lettres sont innombrables. La haine en profite. Dans cette ville dangereuse, la présence cachée d'un jeune homme de 23 ans chez une femme seule est, qu'on suspecte sans doute, n'en doutez pas, représente un danger très grave. Maxime se cache. Et mes gardes se feraient tuer plutôt que de répéter quoi que ce soit qui me concerne. Seulement, Maxime circule en cachette. Le soir, la nuit, il sort du parc. Et il risque de commettre des imprudences. Il en a commises? On l'a vu, on l'a pris pour moi. Vous voyez? J'ai donc réfléchi et j'estime qu'il est de mon devoir de vous prévenir. S'il arrivait n'importe quoi... Mais, Solange, vous ne comptez pas le garder chez vous. Mais où voulez-vous qu'il aille? Il est encore très faible. Votre démarche a-t-elle été... oui ou non, inspiré par lui. Mon Dieu, Didier, mais il serait furieux. Il serait navré s'il savait. Cette démarche vient entièrement de vous. Entièrement. Il me reste, ma chère Solange, à vous remercier de votre franchise. À vous mettre en garde contre un être déséquilibré, en quelque sorte irresponsable. Et à vous déclarer que toute démarche faite dans le sens de la conciliation, du pardon, me trouverait comme un mur. Bah, tu parles souvent de ce mur. Tu es très fier de ce mur, y a de quoi? Je n'ai que de conseils à recevoir de personne. Parfait. Voilà. Je regrette de vous avoir dérangé à une heure pareille. Je rentre. Peut-être aurai-je des nouvelles de notre fugitif. Oh, mais... Qu'est-ce que tu as? Attendez. Tu as une grille? Non, non, pardonnez-moi seulement, j'ai une minute, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Votre fils Claude porte encore des culottes courtes. Et oui, pourquoi? Et quand Claude l'a amené chez vous, Maxime était en loque. Il portait un gay uniforme de marine en loque. Mais oui. Et le costume qu'il porte avec lequel la demoiselle des postes l'a pris pour moi, le costume qu'il porte à l'heure actuelle, n'est-il pas un costume d'une étoffe dite prince de Galles? Si, je croyais même que c'était... Ah, vous croyiez même. Continuez, finissez. Moi, je croyais même que c'était grâce à vous. Grâce à moi, hein, Margot. Tu as entendu? Et alors? Et alors, il me manque un costume prince de Galles et un chapeau mou beige, et tu m'as raconté une histoire de fer chaud et de dégraisseur. Et alors, c'est mon costume que Maxime portait, mon chapeau, et c'est toi qui lui as donné. Tu l'as vu? Ne hurle pas, s'il te plaît. Ah. Oui, j'ai vu Maxime, et je lui ai donné un de tes vieux costumes et un de tes vieux chapeaux. C'est un costume neuf. Vieux ou neuf, je lui ai donné, je m'en vante. Ah, tu t'en vantes, hein, papa. Nous sommes les seuls à ne pas savoir que Maxime habite la ville, à ne pas l'avoir vu. C'est un monde, les seuls. Et pendant que nous faisons de la bile, mademoiselle le voyait et lui donnait mes costumes. J'ai vu Maxime une fois et je lui ai donné un costume. C'est vrai, Didier. J'ai cru que Margot et Pascal le lui avaient fait parvenir secrètement pour ne pas vous mettre en colère. Papa, interroge-la, toi, tu veux? Margot, est-il vrai que tu as rencontré Maxime une fois et où? Quand on m'interroge avec politesse, je réponds. Maxime m'a téléphoné ici il y a 2 mois. Je lui ai donné rendez-vous la nuit dans mon atelier... par l'escalier de service. Tu ne devais pas recevoir Maxime chez moi sans prévenir. Non, demande-lui si elle l'a reçu une fois ou plusieurs fois. Je serais curieux de l'apprendre. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Mais laissez-la tranquille. Elle a bien agi. Le reste n'a pas la moindre importance. Bien agi? Pascal, ton père a sans doute des raisons puissantes pour laisser un de ses fils vivre sans le sou à la belle étoile. Du moins, je le présume. Mais par exemple, le frère jumeau de ce fils n'a aucune raison de s'acharner contre lui. Écoutez, oncle Fred... En poche, ma vieille. Vive l'oncle Fred! Et moi, madame? Je profite de ma belle robe à traîne de Lucrèce Borgia pour vous faire une révérence. Je vous félicite d'être généreuse avec Maxime et de braver tous ces individus infects que je scandalise avec mon rouge à lèvres, avec mes boucles et mes robes. Je voudrais qu'ils en crèvent. Tu n'arranges pas les choses. On vous aurait fait payer cher de réunir vos solitudes. Ah, tu recommences. Je ne veux plus entendre parler de cette vieille histoire. Je passerai demain si vous avez des nouvelles et vous donner un coup de main si les choses s'enviment. Oui. J'avoue que cette machine à écrire m'inquiète. Si j'étais détective... Si vous étiez détective... Il y a des indices qui m'intrigueraient. Par exemple? Ben, par exemple, les M majuscules. Et vous remarquez les M majuscules? On pourrait croire que la machine est détraquée, que l'M ne marche pas, et qu'on tape des M majuscules à la place. Mais je ne le crois pas. Super! Oui, je parierais plutôt pour une espèce de signature. Imaginez que le nom du mystérieux criminel commence par un M, et peu à peu, il signe ses lettres. Il recherche les M sans le vouloir, et exprès. J'ai étudié quelques-unes de ces lettres. Presque tous les mots commencent par M. Madame, méfiez-vous de mes menaces. Ne mêlez pas les gendarmes et les commissaires à mes manœuvres. C'est mon dernier avertissement, etc. M majuscule, M majuscule, M majuscule. C'est terrible. Et avec quelque chose de terrible. M minuscule serait anonyme, parfaitement anonyme. Mais cet M majuscule donne au meurtrier grand M une physionomie, une marque de fabrique, une manière. Ça évoque quelque chose de diabolique, de malin et de méchant. Vous voyez, l'M s'attrape. Il se pourrait que cette particularité le fasse prendre, et il s'en doute. Et comme par bravade, il insiste. À cause de ces M, j'imagine le coupable qui tape, qui tire, qui manie sa mitrailleuse. Je détesterais mettre la main sur cette machine. Il me semble entendre le ding du bout de la ligne. Ding, je serai pris. Ding, ils m'auront. Ding, on me cherche. Ding, je suis X ou Z. Nul ne s'en doute. L'autre nuit, je rentrais. Je suivais une petite rue. Une fenêtre était ouverte et j'entendais taper, taper à la machine. Mon cœur cessait de battre. Je me demandais si ça n'était pas l'assassin. Eh ben, c'est gai. Ah, je n'ose plus rentrer à Malemort. Vous êtes prodigieux, oncle Fred. C'est vous qui devriez aider cette sale police. Vous finirez par me faire vraiment peur. Fred a raison, ça n'est plus une vie. À l'usine, tous les ouvriers se regardent de travail. Bon, n'exagérons rien. Oncle Fred parlait de meurtriers, d'assassins. Nous n'en sommes pas là. Quatre suicides, mon garçon. Meurtres indirects, oncle Fred. Meurtres habiles, mais meurtres. Il faut en finir. Le plus tôt sera le mieux. Ouf. Soyons braves. Je rentre. À demain, Fred. Oui. Didier, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Je suis ennuyé pour vous, Solange, c'est tout. Bonsoir, Margot. Bonsoir, Didier. Bonsoir, Solange. Dis donc, Fred. Oui? Malemort. Encore un M? Bonsoir. Patatras. Quoi? Patatras? Je dis patatras. Mais c'est curieuse. Et instructive. Solange est la maîtresse de Maxime. Il est fou, tu es fou. Papa? Je me demande. Et moi, j'en suis sûr. Solange est la maîtresse de Maxime. Tu es grotesque. Dès qu'une femme est loyale et généreuse, on la traite de grue. Je ne traite pas Solange de grue. J'affirme que Solange et Maxime s'aiment et que Solange mourait d'angoisse à Malemort en attendant Maxime et qu'elle ne pouvait plus tenir et qu'elle a couru n'importe où pour tâcher de savoir quelque chose. Ça n'est pas impossible. Oh, ça crève les yeux. Il y a quoi de rire fou. Tu dis que Maxime aime Solange? Je dis que Maxime couche avec Solange. Voilà ce que je dis. Ça ne tient pas de vous. Et pourquoi je te prie? Parce que Solange n'est pas le type de Maxime. Et quel est le type de Maxime? Moi. Alors ça, c'est formidable. Il est possible que ce soit formidable, mais c'est vrai. Et tu oses me le dire en face. Je suis bien ton type, pourquoi je ne serais pas celui de Maxime? Et sans doute est-il ton type plus que moi. Autant que toi. Elle est complètement inconsciente. Espèce de petite malheureuse. On n'épouse pas des jumeaux, on en épouse un. Quand un type a épousé une des sœurs siamoises, il en a épousé une. Il n'a pas épousé les deux. Il jouait la difficulté. Et vous pouvez écouter cette folle sans que les bras vous tombent. Pascal, du calme. Oh, tu devrais être habitué à Margot, elle te taquine. Elle veut dire que vous aimez tous les deux depuis l'enfance, mais c'est toi qu'elle aime, toi qu'elle épouse. Elle me préfère Maxime, j'en suis sûr. Alors si tu en es sûr, résigne-toi. Là, vous l'entendez? Il marche comme un seul homme. Vous croyez qu'elle plaisante, hein? Elle est sérieuse. Si elle me croyait et si elle savait que Maxime aime Solange, elle deviendrait folle. Elle désobéirait à papa et elle courait le chercher à Malemort. Il n'y est plus. Il n'aime pas Solange. Comment sais-tu? Tu le vois? Tu es sa maîtresse. Oh, Pascal, tu perds la tête. Mais laisse-le. Oui, je perds la tête. J'ai mal aux oreilles et j'ai la fièvre, je m'en fiche. Je voudrais avoir une rechute et crever. Margot est une folle et me rendra fou. On n'est pas en train de rendre fou, tu n'as rien à envier à Maxime, tu es fou. Ah, c'est ainsi. Eh bien, ma petite, je trouverai Maxime et je lui sortirai les tripes. Et je saurai ce qu'il y a dans le ventre et ce que vous fabriquez tous les deux. Oui, hausse les épaules, hausse les épaules. Je me contrefiche de mes oreilles et de ma fièvre. Je sors. Hein? Pascal. Oui. Pascal, je te défends de sortir. Je sors et je trouverai Maxime et j'en aurai le cœur net. Attrapez-le. Non. Mais enfin, voyons, ma petite fille. Eh, écoutez-moi, oncle Fred, un secret. Papa, tu m'excuseras. Mmh. Ah, oui. Oui, oui, au fait, ah, mais oui, ça, c'est très possible. La journée des secrets. Couche-toi, mon vieux Didier. Si le secret de Margot est juste, rien à craindre pour Pascal, il sera pas long. Bonsoir, Fred. Bonsoir, Didier. Bonsoir, Margot. Ôte ce costume, veux-tu? Je monte mettre une robe de chambre, oncle Fred. Oui. Puisque vous êtes le seul qui habitait cet étage, vous n'avez plus qu'à attendre. Si vous constatez ce que je suppose, sauvez-vous, laissez-moi la place libre, rentrez chez vous. Entendu. Je vois là un paquet de cartes, je vais faire une patience. Alors je vous laisse avec vos cartes. Bonne chance. Patience, réussite, attendre. Margot sort par une petite porte. Fred s'assied, commence sa patience. Et de temps en temps, lève les yeux et tend l'oreille. Puis, n'y tenant plus, il va jusqu'à la petite porte. Et écoute. Il retourne à ses cartes. Soudain, il les jette, s'approche de nouveau de la porte et se sauve vers celle de sa chambre. Il s'y enferme. Margot, en robe de chambre, entre dans le salon et va jusqu'au milieu où elle se retourne. Maxime, vite, vite, arrive. Entre un jeune homme exactement pareil à Pascal. Il porte un chapeau très enfoncé et un caoutchouc beige. Je suis folle de te faire descendre. Maxime, Solange sort d'ici. Ce n'est pas Maxime, c'est moi. Et tu oses rire? Pascal, mon pauvre vieux. Oui, tu es prise la main dans le sac. Moi? Tu ne viens pas de me prendre pour Maxime, de faire descendre Maxime, de prévenir Maxime que Solange sortait d'ici. Mais mon pauvre Pascal, je t'ai tout de suite reconnu. Et comme je déteste qu'on me tente des pièges, je t'en ai tendu un, moi. C'est le diable. Mais si tu avais été Maxime, mon cher Pascal, je ne t'aurais pas fait descendre. Je t'aurais laissé là-haut. C'est là-haut que tu le rencontres. Si me regarde. C'est là-haut que vous complotez, que vous me trompez. On dirait que tu as des droits sur moi, c'est le con. Oui, j'ai des droits sur toi, les droits de quelqu'un qui aime et à qui on jure qu'on l'aime. Je t'aime, Pascal. Tu m'aimes et tu te moques de moi. Pardon, c'est toi qui te moques de moi. Ouais. C'est toi qui fais semblant de sortir et qui te déguise et qui essaye de me prendre en faute. Tu méritais que je te punisse. Je ne te crois pas. Qu'est-ce que tu ne crois pas? Je ne crois pas que tu m'as reconnu. Je crois que tu m'as pris pour Maxime et que ta malice infernale t'a aidé à te sortir d'affaire. Je t'attendais, mon cher ami. Je t'attendais et l'oncle Fred en témoignera. Ouais. Je lui ai raconté d'avance ton ingénieux stratagème. Tu n'es pas un homme à promener tes oreilles malades et ta fièvre dans les rues de la ville. Bien, je vais l'interroger tout de suite. Une minute, s'il te plaît. Il y a des choses qu'il faut que tu saches et que je ne t'ai jamais dit. Ah. Je profiterai d'être seule avec toi pour te les dire. Tu ne veux pas que je l'interroge? Laisse-la ses enfants qui gagent. Donc le Fred dort. Tu l'interrogeras demain. Ce que j'ai à te dire est très sérieux. Oui. Non, je ne plaisante pas. Il ne s'agit plus de farce. Il s'agit de choses graves. Très graves. Il s'agit de Maxime. De Maxime, de toi, de moi, de tout. Je devine. Non, non, non, Pascal, tu ne devines pas. Ce ne sont pas des choses précises. Il faut me comprendre. Ton attitude me déplaît, Pascal. Je voudrais... Laisse-moi parler. Ton attitude me déplaît. Tu m'aimes, je t'aime, ça n'est pas une raison pour jouer les maris jaloux. Tu me reproches de penser à Maxime, de ne pas partager votre haine de Maxime, d'admirer Maxime. Mais Maxime est un misérable, lui. Il y a de tout dans Maxime. Mais ma parole, on en parle comme de Shakespeare. C'est absurde. Maxime a du mauvais et du bon. De loin, il est naturel que le mauvais s'atténue et que le bon augmente. Maxime a le romanesque des personnes qui voyagent, des personnes mortes. Maxime a du mystère. Si, Pascal, du mystère. Il a une nature. Mystérieux. Mais ce sont ces mensonges qui te séduisent. Je ne sais pas. Je suis franche. Maxime, avec le bénéfice d'être loin, je te le répète, a de l'ombre, des dessous, des recoins, des surprises. Que veux-tu, on ne se refait pas. Il me faut de l'ombre. Et chez toi, Pascal, tout se passe en plein jour, en pleine lumière. On a pied tout de suite. Tiens, je savais exactement ce que tu allais faire quand tu es sorti en claquant les portes. Avec Maxime, je cherche, je tâtonne, J'ai un peu peur. J'ai peur de lui comme des épileptiques, des somnambules. Non, je ne te demande pas d'être épileptique ou somnambule. Mais puisque tu m'aimes, puisque tu veux que je t'aime, puisque tu veux que je t'épouse, je te demande d'être un peu plus attentif, un peu plus fin, de ne pas être toujours d'une seule pièce, d'un seul bloc, de ne pas être toujours cette lumière blanche qui m'aveugle, cette trompette qui m'ensourde. Ce mur de marbre contre lequel je me cogne. Comprends-moi, Pascal. Je ne me moque pas. Je te parle avec tendresse. Je voudrais... J'aimerais ne pas être à rebrousse-poil à ton approche. Ne pas t'en vouloir de mille petites choses. Ne pas entendre tes phrases avant que tu les prononces. Ne pas connaître tes réactions avant qu'elles se produisent. Enfin, j'aimerais t'aimer, quoi. Tu ne m'aimes plus. Allons, bon, voilà ce que j'attendais. Mais écoute-moi donc, imbécile, si je t'aime. Et 50 fois par jour, je suis furieuse de t'aimer. Et à ces moments-là, je rage et Maxime gagne. Je me répète, tu possèdes toutes les qualités et je lui donne d'office. Mais rassure-toi, j'y vois clair. Je sais ce qu'il vaut et ce que tu vaux. Alors, marions-nous. Pascal, tu es pur, tu es naïf. Et je ne suis ni pur ni naïf. Voilà, tu joues des rôles. C'est possible. Ma vérité consiste peut-être à jouer des rôles. J'ai été élevée par une actrice. Moi aussi. Toi? Tu échappes à ce genre d'influence. Maxime emporte la marque comme moi. Oh, encore Maxime, mais tu ne t'occupes que de lui. Tu es injuste, je te parlais de toi. Je te disais qu'il y a en moi des foules de choses qui te paraîtraient monstrueuses. Une foule de choses qui m'obligent à te demander d'attendre. D'attendre des circonstances qui changeront peut-être ta manière de me voir, et qui t'obligeront peut-être à me haïr. Là, maintenant, j'en suis certain, c'est à Maxime que tu penses, et à votre... Ah, inutile de parler, Pascal, c'est triste. Voilà le mur de marbre dont je parlais, voilà ta trompette. C'est ça, tu appelles trompette et mur de marbre la franchise, la droiture, la propreté. Là, ils vont jamais à nous entendre, c'est dommage. Mais tu as décidé de me rendre fou. Tu as décidé de me rendre fou, hein, fou. C'est mieux. Bah, tu te payes encore ma tête. Eh bien, ma fille, sache que j'en ai assez et que je ne crois plus une de tes paroles. Tu m'as pris pour Maxime et c'est Maxime que tu as prévenu que Solange sortait de chez nous. Et tu vois, Maxime, et tu es une menteuse. Et tu es faite pour t'entendre avec Maxime, qui est un menteur comme toi. Oncle Fred, on vous a réveillé. Mais j'ai cru qu'il y avait des voleurs. Mais il y a des voleurs, il y en a. Il y en a qui entrent chez nous et qui volent le bonheur des autres. Il déménage. Calmez-vous, Pascal. Ce que j'ai que cette personne se croit très forte et s'imagine qu'elle nous roule et qu'il n'y a rien de l'amuse comme de faire souffrir et de retourner l'arme dans la paix. Ah, voyons, Pascal. Mais laissez-le, il a la fièvre. Je n'ai pas la fièvre. Elle est furieuse parce que je l'ai prise la main dans le sac. Oncle Fred, voulez-vous avoir l'obligeance de répéter à ce monsieur ce que je vous ai dit tout à l'heure à l'oreille? Ouais. Margot prévoyait que vous sortiriez par une porte pour rentrer par une autre et que vous joueriez le rôle de Maxime. Bon. Merci, Oncle Fred. Tu es satisfait? Je ne change pas d'opinion, je le regrette. Bonsoir. Ma petite fille, ma petite Margot, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis à bout de nerfs, je n'en peux plus. À cause de votre scène avec Pascal? Il s'agit bien de Pascal. Il s'agit de Maxime? Oui et non, c'est pire. Oncle Fred, nous sommes seuls à l'étage, je n'y tiens plus. J'étouffe, il faut que je vous parle. Il n'y a qu'à vous que je puisse parler, me confesser. Mais c'est que Margot, j'ai moi aussi à me confesser, à parler. Il est nécessaire que Oncle vous dise... Fred, ce soir, quand vous avez parlé de la machine à écrire, des M majuscules qui pourraient être une signature, vous n'avez pas remarqué que je riais jaune et que j'avais l'air bizarre. Ma petite Margot, je veux bien vous écouter, mais il est indispensable que d'abord... Non, taisez-vous, pardonnez-moi. Il faut que je parle, d'une traite, que je me délivre. Oncle Fred, la machine à écrire, c'est moi. Vous ? Mettez vos mains sur votre figure. Moi, je fermerai les yeux. J'aurai du courage. À force de me taire, de tromper, de jouer la comédie, je devenais folle. Et quand vous avez prononcé le mot de meurtrier, d'assassin, j'étais prise de panique. Voilà. Je venais de retrouver Maxime. Je l'avais reçu la nuit dans mon atelier où je ne laisse monter personne. Je tapais à la machine. C'était... Non. Non, je me trompe. Je m'embrouille, je raconte mal. Il vaut mieux que je prenne depuis le commencement. Bon. Attendez. Voilà. Je me retrouve. C'était le 1er janvier. Le 1er janvier, le maire donnait un bal à la mairie. Un bal ridicule. J'avais une robe neuve et une robe étonnante. On me regardait beaucoup. Vous vous souvenez de la première alerte? Le suicide de ce jeune ingénieur. Il était au bal. Il m'avait fait la cour. Il me plaisait. Nous nous sommes donné rendez-vous. Il a parlé de moi à sa famille. Et on l'a mis en demeure de rompre, ne plus jamais me revoir. J'étais une enfant trouvée. Je sortais d'on ne sait où, bref. Une scène épouvantable. Vous venez la suite. Ici, je n'ai pas ouvert la bouche. Mais je me suis promis de le venger, de me venger. J'avais une machine à écrire. Un jour... À Malemort. Chez Solange. Un petit salon boudoir. Au fond, une fenêtre donne sur le parc. Maxime est étendu sur un divan au bout duquel Solange est assise. Qu'est-ce qui a pu te pousser à faire cette visite ? Mais je te l'ai dit, je ne vivais plus. Il fallait que je bouge, que je fasse quelque chose. Tu aurais pu faire n'importe quoi, sauf cette visite. Tu te rends compte? Je me rends compte que tu avais passé la nuit dehors, que je t'attendais, que j'étais seule dans cette bâtisse et que je mourais d'inquiétude. Et qu'est-ce que tu espérais découvrir dans ma charmante famille? Je m'étais demandé si tu n'avais pas voulu faire une démarche, si tu ne t'étais pas laissé aller à des menaces et si ces menaces n'avaient pas fini mal. Non, rassure-toi. Du reste, tu m'as rendu service sans le savoir. Ouais, tant mieux. Ils savent. Ils s'interrogent. Ils doivent crever de peur. Je n'ai dit que ce que je voulais dire. Ils ne se doutent pas de la vérité. Ils sont morts d'inquiétude, c'est le principal. Je suis le personnage néfaste qui attire les catastrophes, dont on n'attend que le pire. Ta visite a dû tomber comme une bombe. Ils sont assez stupéfaits, je l'avoue. Pascal se doutait que tu étais en ville, on t'avait vu, on t'avait pris pour lui. Tu comprends pourquoi je te recommande la prudence? Bon, maintenant je m'en moque. Écoute, Maxime, tu n'es pas seul. J'ai abandonné toute règle, toute mesure. Mais je suis une femme, j'ai un fils. Cette ville... Mais dis tout de suite que tu en as plein le dos. Mais tu es injuste, mon amour. Je ne me vante pas d'avoir changé d'attitude. Je suis heureuse et je trouve cela tout naturel. Mais jusqu'à nouvel ordre, je te cache et tu dois m'aider. Je peux partir? Mais ma conduite de folle t'a prouvé ce que provoquerait ton départ. Non, Maxime, je te garde, je te soigne, je te protège. Je t'aime. Je suis une brute. Pardonne-moi. Mon petit, mais non, tu n'es pas une brute. Tu es un pauvre enfant à qui on a fait du mal. On a dû t'en dire sur moi à la maison. Ton père était dur, Pascal était dur, Margot te défendait, et l'ami Fred n'a pas l'air d'approuver leur attitude. Mais pourquoi reçois-tu cet ami Fred? C'est le meilleur des hommes, je trouve utile d'avoir un allié dans la place. Est-ce un allié? En es-tu sûr? Tu es tellement bonne. Tu crois que tout le monde te ressemble. Où as-tu couché cette nuit? À la cabane. J'avais besoin d'être seul, d'être libre. Maxime... Non, comprends-moi, je ne veux pas dire que je ne me sens pas libre, non. Mais il y a des minutes où j'ai honte de vivre à tes crochets, de te faire courir des risques épouvantables. Maxime. Oui, je sais bien que c'est stupide, mais que veux-tu, c'est plus fort que moi. Quand j'étais gosse, je me sauvais 2 jours, 3 jours, maman devenait folle. J'adorais maman, je ne pouvais m'en empêcher. Il ne faut pas m'en vouloir, Solange. Je te le répète, je suis un pauvre type, un sale type. Un voyou. Mais tu es heureuse, Solange? Oui, Maxime. Tu es apparu, j'ai tout envoyé promener. Prudence, sagesse, inquiétude, pudeur. Et je suis heureuse. Tu n'es pas heureux, Maxime? Non. Mon amour ne te suffit pas? Mais ce n'est pas de ta faute. Il faut oublier Calvi. Tu y as été envoyé par erreur, tu y as fini ton service, ta conduite y a été exemplaire. Maxime, promets-moi, chaque matin, chaque soir, de te répéter, Calvi n'existe pas. Calvi est un mythe, je ne penserai plus à Calvi. Promets-le. Bonne petite Solange. Petite? Je pourrais être ta mère. Veux-tu? Moi, j'ai le droit d'avoir des idées fixes, pas toi. Et c'est fini. Tu le jures? Je le jure. Alors, embrasse-moi. Je t'adore. On l'a grillé. Je vais voir. Reste. Oui. Qui est-ce? Alfred. Oh. Non, disparaît. Je vais le recevoir ici. Monte. Il est possible que je t'appelle et que je te demande de descendre. Je ne veux voir personne. Personne, tu entends? Mais j'ai autant d'intérêt que toi à ce que tu te caches. Si je t'appelle, c'est que j'aurai besoin de toi. Tu ne me refuserais pas ton aide. Tâche de ne pas avoir à m'appeler et renvoie-le vite. Il arrive. Dépêche-toi. Mais je crache sur le monde entier. Je grimpe. Fred! Je suis là. Montez directement. Vous savez le chemin. Vous êtes seul? Oui. Vous avez des nouvelles du fugitif? Non. Dépêchez-vous. Bonjour. Bonjour, dame du donjon. Allez, posez votre chapeau, installez-vous. Vous êtes venu à pied? Malmort est à 15 minutes à pied, montre en main. Alors, vous n'avez pas de nouvelles? Si. Il est là. Mais faites comme s'il n'était pas là. D'où venait-il? Je suis heureuse de vous voir, Fred. Nous nous connaissons depuis peu, mais j'ai confiance en vous. J'ai la sensation que nous sommes de vieilles connaissances. C'est réciproque. Fred, je suis heureuse de vous voir et de vous consulter au sujet de Maxime. Parlez. Je le trouve bizarre. Ah. Il m'inquiète beaucoup. En quoi? C'est vague. Il est sombre, mystérieux, à fleur de nerf. Je me demande... Vous vous demandez? Dites. Eh bien, je me demande s'il ne se mêle pas de choses dangereuses, de choses qui ne le regardent pas, s'il ne joue pas les détectives, s'il ne pense pas à mettre la main sur le coupable, s'il ne rêve pas de rentrer en grâce, de se poser en sauveur. Remarquez que rien ne m'autorise à l'affirmer, à le suspecter. C'est un malaise que j'éprouve. Je me demande s'il ne cherche pas à délivrer la ville, à étonner sa famille pour le seul luxe de l'insulter après. Je vous le répète, c'est une idée à moi qui est peut-être idiote et je ne vous la donne que pour ce qu'elle vaut. Solange, puisque vous m'honorez de votre confiance et que vous vous ouvrez à moi, j'estime de mon devoir, franchise pour franchise, de faire appel à votre confiance et de m'ouvrir à vous. Vous m'intriguez. Solange, il est exact que je suis un vieil ami de Didier. Mais il est inexact que j'habite cette ville par hasard. Et mon séjour chez Didier n'est pas purement amical. Solange, je suis un humble fonctionnaire de la police. Oh! Ah oui, voilà bien ce que je craignais. Et l'effet que ce vilain mot produit toujours. J'ai été chargé de l'affaire des lettres anonymes. Je recherche la machine à écrire, et c'est ma dernière enquête. J'ai décidé ensuite d'envoyer ma démission et de devenir l'associé de Didier à l'usine. Voulez-vous que je m'en aille? Fred, pardonnez-moi ce geste instinctif. Je sortais d'une de ces longues scènes où le pauvre enfant se débat contre des souvenirs de prison. Au mot « police », j'ai reçu un choc. Eh oui. J'oublie toujours qu'il est libre, civil et que rien ne le menace. Sauf lui-même. Ne vous excusez pas, le réflexe est fort naturel. Mon métier m'assomme et c'est pourquoi je le quitte. Mais je suis attaché profondément à Didier, à sa famille, à cette ville, à Malmort. Et je veux en finir avec cette sombre histoire. Vous avez une piste? Êtes-vous sur le point d'aboutir? Je crois, hélas, que tout sera fini ce soir. Mais pourquoi, hélas? Parce que je n'aime jamais arrêter un coupable. Surtout quand ce coupable est escorté de circonstances atténuantes. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, après mon départ? Oui, vous ne vous fâcherez pas. Bon, allez-y. Et Pascal a cru comprendre que... Enfin, votre intérêt très vif pour son frère était dicté par un sentiment... Vous ne vous mettez pas dans un état pareil, quel trou. Oui. Oh, Fred. Mais oui, Pascal a raison. J'aime Maxime. Et Maxime m'aime. Vous êtes brave. Non, je suis franche. Je ne tenais pas à venir scandaliser Didier et à lui apprendre que la femme honnête, la veuve, la châtelaine qu'il voulait épouser et qu'il aurait épousée sans ses enfants, avait tourné si mal et profité d'être libre pour devenir la maîtresse d'un de ses fils. Savez-vous ce que c'est que le coup de foudre? Hélas, non. Fred, j'étais une mère, une dame mariée sans amour, veuve, gérant une propriété vide, contente, triste, calme. Et tout à coup, Claude m'a amené Maxime à la maison. À peine l'ai-je vu que tout mon bel équilibre était démoli. Cette brave dame qui se croyait définitivement tranquille et qui se disait « L'amour doit être pour les unes et pas pour les autres, adieu », cette brave dame n'a plus eu ni bras, ni jambes, ni cervelle. La foudre venait de tomber sur Malemort. C'est le dernier à en rire et à trouver cela étrange. Mais vous m'effrayez un peu, Solange. Où cet élan vous mènera-t-il? Nulle part. Peu importe. Ah. Je ne suis pas aveugle, je sais. Je sais que je n'ai rien à attendre. Je sais que je rayonne dans le vide et dans le noir. Mais qu'y faire? Je n'ai pas résisté. Je n'ai pas essayé de résister. Les femmes qui disent qu'elles aiment, aiment qu'on les aime, Fred. Moi, j'aime aimer. Et peu m'importe si je ne suis pas payé de retour. Solange, vous êtes admirable. Voilà ce que vous êtes. Quel dommage que Maxime... Taisez-vous, Maxime m'aime. Il le croit, c'est l'essentiel. J'arrive à lui faire oublier ses angoisses, ou plutôt, je me trompe. Ce sont ses angoisses qu'il aime. Il aime son drame, il aime le drame, c'est la jeunesse, ils sont tous pareils. Et j'arrive à lui faire confondre son drame avec son amour. Ma pauvre amie. Ne me plaignez pas. Je tire le plus admirable feu d'artifice. Je resterai toujours reconnaissante à Maxime d'en avoir été le prétexte. Et Claude? Claude? J'étais une mère jalouse, assommante, mère jusqu'au bout des ongles. Maintenant, Claude aura une mère compréhensive, clairvoyante. Et qui trouvera naturel qu'il tombe amoureux. Il est dommage que peu de femmes comme vous existent, Solange. Et je regrette d'autant plus d'avoir à coffrer le coupable que cette ville à l'envers vous a permis de vivre cet enchantement. Fred, vous allez me rendre un service. Oui. Vous allez affronter notre tigre. Vous saurez le prendre. Voyez-le comme si vous trahissiez un peu les siens, comme un allié secret. Je l'ai prévenu. Et tâchez de le chapitrer avec adresse si par hasard j'ai deviné juste. J'accepte à une condition. C'est que vous lui direz vous-même, en ma présence, qui je suis, ce que je suis. Oh. Ah, il le faut. Ça, je ne veux prendre personne en traite. Il se fermera. Je l'ouvrirai. Soyez sans inquiétude. Je ne vais pas vous apprendre votre métier. Mon métier. Bon, ben, je vais l'appeler par la fenêtre. Oui. Maxime! Maxime! Descends! Je viens. Il ne voulait pas venir. Ne vous formalisez pas du premier choc. J'ai l'habitude. Entre, Maxime. Ne boude pas. Entre. Tu m'avais promis. Je ne t'ai rien promis. J'ai besoin de ton aide. Tu es un homme. Tu ne me la refuseras pas. Fred, je vous présente mon sauvage. Rassurez-vous, Maxime. Je ne viens de la part de personne et personne au monde ne saura que je vous ai vu. Mon petit Maxime, Alfred vient de me confier un grand secret. Il est ici en service commandé. Il est chargé de l'enquête des lettres anonymes. C'est un flic. Voyons, Maxime. Êtes-vous un flic? Si vous voulez. Il ne s'agit pas que je le veuille ou non. Je vous demande si vous êtes un flic. Je suis un fonctionnaire. Un fonctionnaire de la police criminelle. C'est ce que je disais. Voilà, tu me caches et tu me mets nez à nez avec un flic. Sois convenable, Max. Fred a un métier... Un joli métier. ...qu'il n'aime pas et qu'il exerce à contre-cœur. C'est du reste sa dernière enquête. Il va s'associer avec ton père et diriger l'usine. Félicitations. Il manquait un flic à l'usine de papa. Maxime, en voilà assez. Fred est un ami et je te prie de le considérer comme tel. On aura tout vu. Monsieur, je suis heureux de vous serrer la main. Voilà, la paix est faite. Je vous laisse en tête à tête, je vais écrire à Claude. Je lui écris chaque jour. À tout à l'heure, Fred. Jusqu'ici, je n'ai eu de rapport qu'avec des poulets de l'armée. Je ne connaissais pas le poulet civil. Charmé. Sauf un. Après mon arrestation à Toulon, j'ai bousculé mon escorte et j'ai pu prendre la fuite. Mais j'avais les menottes. J'ai couru, jusque dans la campagne, je me glissais le long des murs. J'ai rencontré des jeunes filles. C'était un dimanche. Elles voulaient casser mes menottes à coups de pierre, mais l'acier était trop solide. J'ai filé. Le soir, je me suis assis à la musique, mon bonnet sur les menottes. La nuit, je suis retourné dans la campagne. Et là, en bas d'un petit chemin à pic, un de vos collègues à bicyclette m'est tombé dessus. Je le déplore. Vous admettez que les flics ne me plaisent pas, que je ne les aime pas, a priori. Vous ne devez pas aimer beaucoup de monde. Je hais tout le monde. Et Solange, vous l'aimez? Que vous a-t-elle dit? Elle a déballé devant moi un trésor d'amour. C'est pourquoi je détesterais que ce trésor se dépense en pure perte et devienne la proie d'un fantôme. Merci pour le fantôme. Comprenez-moi, Maxime, vous êtes à l'âge des amourettes. Solange à l'âge de l'amour. Voilà ce que j'entendais par fantôme. Aimez-vous Solange? Naturellement, je l'aime. Naturellement. Aimez-vous l'aimer ou aimez-vous qu'elle vous aime? Aimez-vous qu'on vous aime? J'aime qu'on m'aime, comme tout le monde. Parfait. Vous aimez qu'on vous dorlote? Mais je ne l'ai pas toujours été. On ne dorlote guère d'où je sors. Mais vous en êtes sorti, c'est le principal. Mon cher Maxime, Solange vous l'a expliqué. Elle l'ignorait encore ce matin. Je me trouve ici en mission secrète. Je cherche la machine à écrire. Noble recherche. Et la trouvez-vous? C'est l'objet de notre tête-à-tête. Je comprends mal. Je m'explique. Hier soir, la jeune Margot m'a fait des aveux complets. Quels aveux? Elle avoue être la coupable. Être la machine à écrire. Et vous avez cru ce qu'elle vous racontait? Pas un mot. Ah, vous êtes plus malin que je ne le supposais. Merci, trop aimable. C'est tout ce que vous avez découvert? C'est mon huitième coupable. Comment, votre huitième coupable? Oui, avant elle, cette personne, cette jeune coupable des deux sexes, était déjà venue se constituer prisonnier et faire des aveux. Et pourquoi? Ah, pourquoi? C'est le problème. Nous sommes, mon cher Maxime, à l'époque des journaux quotidiens, des livres policiers, des films d'aventure. Chacun et chacune rêve de vedettes, de crimes et de portraits en première page. La tête travaille et on se voudrait coupable. Et on se croit même coupable. Et comme il importe que le monde entier le sache, on se précipite chez le commissaire de police et on se constitue prisonnier. Le plus drôle, c'est que Margot, avec son atelier, ses costumes d'héroïne et ses drames en cinq actes, doit croire ce qu'elle raconte. N'en doutez pas, elle y croit. Et comme elle vous mêle à cette ténébreuse intrigue, j'ai voulu... Jamais, au grand jamais, je lui ai donné un détail sérieux sur... Vous ne lui avez donné aucun détail sérieux sur... Je voulais dire que mon genre de vie est assez mystérieux à cause de Malmort, à cause de papa, à cause de Calvi, à cause de mes crises, excite beaucoup cette pauvre Margot. Elle est très romanesque, vous savez, alors... Je dois devenir dans sa petite cervelle un personnage de roman. Bien sûr, bien sûr. Oui. Dans le d'époque. On ne cherche pas à vivre, on regarde vivre les autres. On lit, on voit des films. Margot et mes sept coupables sont des victimes des livres policiers et des grands quotidiens. Oui, Margot dévorait ce genre de livres. Et les criminels. Parlez-moi des criminels. Ils doivent vous plaire, les criminels. Oh. Ah non, je ne parle pas des criminels célèbres, ce sont les ratés du crime, puisqu'on les connaît. C'est qu'ils se sont laissés prendre. Non, moi, je parle des vrais criminels, de ceux qu'on ne prend jamais, des criminels inconnus. Que prétendez-vous? Où essayez-vous de me conduire? Moi, mais nulle part. Je ne prétends rien, je bavarde. Vous bavardez? Je connais votre air bonasse. C'est un de vos systèmes le pire de tous. Maxime, prenez garde. Prendre garde à quoi? Oui, je sais que je suis un faible, un misérable, un imbécile. Mais n'allez pas croire que vous m'entortillerez, que vous m'aurez pas la douceur. Taisez-vous. Si Solange... Solange n'est pas de la race qui écoute aux portes. La garde est sourde et le garde est au fond du parc. Nous sommes seuls. Vous voulez savoir qui est la machine à écrire? Vous voulez mettre la main dessus? Eh bien, réjouissez-vous, je me présente. La machine à écrire, ce n'est pas Marguerite, c'est moi. Ah. La police n'exige que des preuves. C'est ce que j'ai répondu à Margot. Continuez votre travail. Mettez du fromage dans le piège, vous ne m'aurez pas. Je vous raconterai tout, de A jusqu'à Z, tout. Mais les preuves, je ne vous en fournirai aucune. Je continuerai, je vous échapperai, je vous harcèlerai. Je rendrai malade ma famille et la ville. Je vous rendrai malade. Vous êtes prévenu? De cette minute, je ferai mon devoir. Je ferai l'impossible pour arrêter le coupable. Pas de preuves, cher flic, mais le récit détaillé de mon entreprise. Je vous écoute. Bien. Je venais de sortir du bagne. De la prison militaire. Je n'avais pas le sou. Je crevais de faim, je portais un vieil uniforme et ma tête de condamné à mort. Comment je suis arrivé jusqu'ici, je vous en fais grâce. Je n'ai rêvé que vengeance et que d'empoisonner la maison. Je me rappelais une cabane de bûcheron abandonnée. J'ai retrouvé la cabane, j'ai campé, fait du feu. Pour manger, il fallait que je chipe. La nuit, je me coulais en ville et je regardais les 1000 persiennes closes, méchantes. Par les fentes de ces persiennes, les regards devaient glisser comme des lettres anonymes, des menaces de mort. Et peu à peu, j'ai dressé mon plan. J'emploierai les gosses. Employer les gosses a été mon coup de maître. Ils me rapportaient de la nourriture et des secrets de famille. Ils me documentaient. Chez eux, ils gardaient le silence. Chez moi, ils apportaient toutes les bassesses qui les révoltaient et qui leur étaient tombées sous la main. Je m'incline. Claude était de la bande. Il m'aimait. Ah, c'est alors que j'ai eu cette bronchopneumonie et qu'il m'a emmené chez sa mère. Mmh. Je ne voulais pas. Mais s'il me fallait une machine. Et puis, en habitant Malmort, je pensais ennuyer papa. C'est tout? Non, je n'avais pas calculé avec l'amour de Solange. Mais il vous arrangeait. D'abord, oui. Je jubilais et je feignais de ne pas comprendre. Après le départ de Claude, tout a changé. Qu'est-ce qui a changé? Je me suis mis à aimer Solange. Et vous avez, malgré ça, continué vos manœuvres? Je haïssais aussi les gens de haïr Solange, de l'envier, de la mettre en quarantaine. Cette quarantaine vous assurait une bonne retraite, bien sûr. Je ne pensais qu'à la haine. Quelquefois, l'amour de Solange m'en distrayait. Et j'y retombais vite. La haine m'habitait, m'affolait, me minait, me poussait vers cette machine à écrire du régisseur. Vous vous serviez de la machine à écrire du régisseur? Oh, vous m'interrogez. Vous profitez de ce que je déborde, de ce que je me soulage, hein? Vous êtes ignoble. Interrogez toujours, je ne dirai plus que ce que je veux. Qui vous interroge, mon garçon? C'est vous qui parlez, qui vous racontez, vous êtes libre. Oui, je compte rester libre. À moins. À moins? À moins que je n'en puisse plus, que j'éclate, que j'envoie tout promener. Ne me défiez pas. Je suis à la limite d'un scandale. Vous ai-je défié? C'est pire, vous me guettez, vous rêvassez. Vous me faites chaque fois un tour de corde. Vous me tuez. Vous ne m'avez rien dit, je ne sais rien. Nous redevenons des adversaires qui s'évitent et qui se cherchent. Mais vous mentez, vous êtes d'une adresse diabolique. Vous connaissez toutes les ficelles pour pousser à bout et vous y êtes parvenu. D'ailleurs, je me moque de la police et des juges. Que tout craque, que tout s'écroule. Qu'on m'arrête, qu'on me condamne, qu'on m'enferme. D'ailleurs, j'ai l'habitude. Je n'aurai pas la moindre surprise. Mettez-moi dans l'impossibilité de nuire. Ne suis-je pas une bête nuisible, une sale bête? Une bête qui a causé assez de mal. Et en vous perdant, avez-vous réfléchi une seconde que vous entraîneriez à votre suite des personnes innocentes? Des personnes que vous déshonorerez? Hein? Quoi? Ah! Avez-vous réfléchi que Margot... J'ai voulu l'entraîner et la perdre. Et Solange? Solange? Oh, mon Dieu! Oui, vous commencez à voir plus clair. Mais que devenir? Mais que devenir? Arrêtez-moi, Mais, Maxime, on n'arrête pas un homme parce qu'il vous le demande. Savez-vous qu'il n'est pas commode quelquefois de se faire arrêter? Beaucoup de coupables entassent des alibis sans le vouloir, comme des innocents accumulent des preuves. Vous arrêtez! Mais ça n'est pas si simple. Il est terrible d'arrêter, d'être arrêté. Je voudrais avoir à ne vous arrêter jamais. On peut entrer? Vous ne vous dévorez pas? Nous sommes bons amis. Ce sont les prodiges de Malmort. Maxime connaît les environs comme sa poche. Le moindre bouquet d'arbres, la moindre bande, la moindre cahute. Il vient demander d'énormes services. Me voilà passé d'honneur. J'en doute. Non, Solange, Maxime ne m'a livré personne, mis sur la trace de personne. C'est un sauvage des bois. Si vous tendez des pièges, consultez-le. Ah, quel dommage qu'il existe des hommes qui se haïssent dans un pays pareil. Ah, votre parc est un rêve. Oh. Que voyez-vous? Ne bougez pas, Maxime. Une visite inattendue. À vrai dire, pas très inattendue pour moi. Mais je parierais que c'est Margot. Vous devenez un vrai détective. Margot? Qu'est-ce que peut bien venir faire ici? Elle approche, elle me fait signe. Disparaît, Maxime. Oh. Je passe mon temps à disparaître. Mais je la recevrai ici. J'étais seule avec Fred. Allons vite. Bien, d'accord. J'entre comme chez moi. Excusez, Solange. J'ai vu de loin notre ami à la fenêtre. Je me suis douté que vous étiez ensemble. Je vous gêne? Mais pas le moins du monde. Asseyez-vous. Merci. Je me promenais, j'étais éreinte et je n'ai pas dormi. En passant devant chez vous, je n'ai pas résisté à venir prendre un peu de repos. Mesdames, je vous quitte. Vous partez? Oui, j'ai affaire à la poste. Voulez-vous que je me charge de votre lettre? Non, non, Fred, merci. La poste, c'est ma promenade. J'irai tout à l'heure. Il est possible que je repasse. Je vous retrouverai, Margot. Soyez tranquille, nous sommes tous prisonniers sur parole. Vous êtes chez vous. Ne vous dérangez pas, surtout. Je vous salue. Je suis contente d'être chez vous. Et moi, je suis contente de vous y voir. Je déteste les brouilles, elles sont toujours un échec. On arrive à se laisser prendre par le rythme de la province. Tout à coup, on s'éveille, on s'aperçoit qu'on a perdu bien du temps. Il ne tient qu'à nous de le rattraper. Vous avez du neuf ? Du neuf ? Enfin, des nouvelles de Maxime ? Il est revenu ? Maxime ? Ah non. Non, pas de Maxime. Vous n'avez plus votre figure d'hier. Vous avez l'air si calme. Je croyais que vous aviez des nouvelles. Oh, vous savez, Margot, ma démarche d'hier avait surtout pour but de me soulager de mes scrupules. En ce qui concerne Maxime, il est libre. Je ne l'interroge pas sur ses allées et venues. Je lui recommande la prudence, mais vous savez, à son âge, il ne doit pas s'amuser beaucoup à Malemort en compagnie d'une dame patronesse. Une dame patronesse ? Une dame patronesse, vous êtes très belle, Solange. Et même, je trouve que vous avez encore rajeuni. On dirait qu'une grande joie vous habite. Vous rayonnez. De quoi, mon Dieu ? Figurez-vous que je mettais ce rayonnement sur le compte de Maxime. De Maxime ? Eh oui, vous vivez seul à Malemort, Claude est loin, je me disais que l'arrivée à l'improviste d'un jeune homme... Oh, comme vous y allez, Margot. Quel mal y aurait-il ? Maxime est la séduction en personne. Et il est tombé chez vous d'une manière si romanesque. Vous oubliez que je pourrais être sa mère. À vrai dire, ce n'est pas moi qui vous suspectez. C'était Pascal. J'ai même dû prendre votre défense. Trop aimable. Je vois que ma visite nocturne a remué l'atmosphère de la famille. Vous n'en doutez pas, je suppose. Et figurez-vous que Pascal était presque arrivé à me convaincre. Presque ? Et je venais chez vous en femme curieuse, en femme jalouse. Allons donc. Aimeriez-vous Maxime ? Mais je vous croyais amoureuse de Pascal. On n'est pas amoureuse de Pascal, on aime Pascal, c'est autre chose. Maxime, lui, on peut en être amoureuse. Pascal, c'est l'avenir, Maxime, c'est le présent, le danger, la foudre. Vous êtes trop femme pour ne pas me comprendre. Mais si je vous entends bien, vous voudriez être la maîtresse de Maxime ou la femme de Pascal. Ce n'est pas si simple, Solange. Et puisque vous venez de m'ôter un poids, je veux me confier à vous. Oui, je venais chez vous en femme et maintenant qu'il m'apparaît que Maxime ne vous représente que des ventouses et des cataplasmes, je tâcherai d'être une jeune fille qui demande conseil à sa mère. Enfin, vous me comprenez. Je ne vous fâche pas. Pas le moins du monde. Allez-y. À force de vivre avec Maxime et avec Pascal, j'ai fait d'eux une espèce de personnage légendaire et sans l'ombre de réalité. Mm-hmm. Voilà ma triste histoire. Oh, je n'ignore pas que Maxime est impossible et que Pascal est parfait, que Pascal m'apportera un bonheur calme et solide. Non plus que pas plus tard qu'hier, j'ai déclaré à Pascal en toute franchise qu'il fallait réfléchir, que certains côtés de sa nature me choquaient et qu'il devait s'attendre à me perdre. Enfin, à me voir bientôt sous un jour très... très défavorable. Et que reprochez-vous au juste à Pascal ? C'est difficile à dire. Je lui reproche d'être sans ombre, sans aucun mystère, d'être trop là. Et Maxime, par contre, n'est pas assez là. C'est que, Solange, l'expérience est faite. Je rencontre Maxime. Je le vois beaucoup. Ah ? Je l'ignorais. Il ne vous en a pas soufflé mot ? Je m'en doute. Ce n'est pas un menteur, c'est le mensonge. Voyons, voyons. Je croyais... Il me semblait que vous ne vous étiez rencontré qu'une ou deux fois au sujet de ce costume. Hier, j'étais pincée. Il me fallait un prétexte. Ce costume tombait à pic. Non, non, Solange. Depuis ce costume, nous n'avons pas cessé de nous voir. Oh, je me demande encore pourquoi il ne vous en a... À moi ? Il est très prétentieux, Maxime. Très naïf. Pardonnez-moi d'avance ce que je vais vous dire. Il s'imagine peut-être que votre bonté cache autre chose. Vous êtes jalouse. Jalouse de vous? Oh, non, remarquez que je vous ai prévenu que j'allais dire une bêtise. Je cherche. Et même, en admettant que Maxime soit enfant au point de se tromper sur l'affection d'une femme de mon âge et s'imagine des choses ridicules, il faudrait pour rendre cette femme jalouse que vos rapports avec lui ne soient pas seulement les rapports d'une amitié d'enfance. Il faudrait que Maxime vous aime. Remarquez que cela ne me regarde pas, mais enfin, j'ai peine à croire. Avec Maxime, on a toujours peine à croire. Ah, il n'est pas de tourpeau et je sais ce que je perds en renonçant à Pascal. Au brave Pascal. Seulement, Maxime et moi, que voulez-vous? Nous sommes de la même race. Mais ce qui suppose que vous n'êtes pas de tout repos. Je ne suis pas de tout repos, selon. Et c'est pourquoi je crains de rendre Pascal malheureux. Et c'est pourquoi, en fin de compte, Maxime m'aime. Car Maxime vous aime. Cela vous étonne? Voulez-vous dire que vous êtes sa maîtresse? C'est un interrogatoire? Vous m'avez demandé conseil, ma petite Margot, comme une fille à sa mère. Il me semble qu'une mère aurait le droit de s'inquiéter un peu de tout ce que je viens d'apprendre. Non. Solange, rassurez-vous, je ne suis pas la maîtresse de Maxime. Et pourquoi ce « rassurez-vous » Parce que, ma chère Solange, vous avez fait preuve à mon sujet d'une telle sollicitude que je ne voudrais pour rien au monde vous laisser supposer le pire. Rassurez-vous, je suis encore digne de Pascal. Bien qu'il est probable, je vous le répète, que je ne profiterai pas de cette chance. Je n'y comprends plus rien. Ben, si Maxime vous aime, si vous aimez Maxime, et si vous êtes fait l'un pour l'autre... Qu'est-ce que vous avez? Solange, vous avez l'air si drôle. Vous avez l'air des personnes qui font semblant de vous croire par politesse et qui ne croient pas un mot de ce que vous dites. Très juste, Margot. Je ne crois pas un mot de tout ce que vous me dites. Et vous avez raison. Je voulais me rendre compte. Je voulais observer vos réactions. Je voulais voir si vous me cachiez quelque chose. Et il résulte de votre enquête? Que j'étais une sotte, que Pascal était un mufle, et que je suis heureuse d'être votre amie. Alors, c'était vrai. Vous n'avez vu Maxime que le jour du costume. Ah non. Non, non, non. Non. J'ai revu Maxime. J'ai menti en vous laissant entendre que j'étais amoureuse de Maxime. Je n'ai pas menti en disant que je voyais Maxime en cachette. En ce qui concerne l'amour de Maxime, je suis certaine que Maxime est amoureux de moi. On s'en rend compte. Il croit me voir simplement pour affaire. Comment pour affaire? Oui, Solange, pour affaire. Il existe entre Maxime et moi une entente secrète, une collaboration, en quelque sorte. Un secret. Et je vais vous le dire, moi, le secret de Maxime. Toi. Rassurez-vous, Solange, il n'y a pas l'ombre de secret. Mais ce monsieur ne doit pas avoir la conscience tranquille, et comme il écoute au port, Margot, je connais le moyen de le faire paraître. Tu es contente? Très. Je voulais te voir et je t'ai vu. Et maintenant que tu m'as vu, tu vas prendre la porte. Oh, que non. C'est Solange ici qui commande, du moins. Je le suppose. Elle m'a dit que j'étais chez moi. Au nom de cette hospitalité, je la prierai donc de nous laisser seuls 5 minutes. J'ai à te parler de la famille et je te parlerai. Solange, mettez-la à la porte. Maxime, je dois porter ma lettre pour Claude à la poste. Je vais et je rentre. Parlez à Margot. 5 minutes, pas davantage. 5 minutes suffit. Alors je vous laisse. À tout à l'heure. Soyez convenable. Faites le maître de la maison. De quoi te mêles-tu? De quel droit viens-tu faire des scandales à Malemort? Je me mêle de ce qui me regarde. Et nous n'avons pas de temps à perdre. Non. Tu sais qui est Fred? Je sais même ce que tu as été lui dire. Tu pourrais me remercier, imbécile. J'ai tout pris sur mon compte. Tu as voulu jouer le premier rôle et te rendre intéressante. J'ai eu tort de ne pas me taire et de ne pas te laisser te débrouiller tout seul. Oh, tu pouvais parler, il n'a pas cru un mot de ton histoire. Il te l'a dit pour que tu parles et tu as marché comme un seul homme, tu as donné dans le piège. Je me moque des pièges. J'ai dit la vérité parce que je ne supporte plus de vivre traqué comme un animal. La vérité? Quelle vérité? J'ai dit que je travaillais seul. Ouh, tu oublies qu'elle me confie à moi, mon bonhomme. Il me demandait conseil. Il m'empruntait ma machine. Ah, ça ne pèse pas lourd dans la balance. Tu te trompes. Je m'arrangerai pour que la balance penche des deux côtés. Dis-moi, si je n'étais pas intervenu, qu'est-ce que tu allais raconter à son ange? Rien. Je ne suis pas folle. J'ai crié n'importe quoi pour te faire venir. Ça n'était pas n'importe quoi. Son ange doit être à 100 lieues d'établir un rapport entre nous et la machine à écrire. Non. Elle ne se doute de rien. Elle ment très mal, ton ami. C'est une mauvaise élève. Je n'ai pas été longue à comprendre qu'elle était folle amoureuse de toi. Et tu la aimes? J'aime ça. Par exemple, tu ne me le feras jamais croire. Oh, tu peux croire ce que tu veux, je m'en moque. Et moi? Toi? Oui, moi. Bon. Qu'est-ce que je deviens là-dedans? Mais épouse ton Pascal et laisse-moi tranquille. Ton Pascal, tu es jaloux, Maxime. Tu es folle. Et pourquoi es-tu venu me voir? Et me prendre comme confident, comme complice. J'avais besoin d'un costume et je voulais attirer le scandale sur la maison. C'est chose faite. Sois raisonnable, Maxime. Tu vois Pascal avec une femme aux assises? Tu plaisantes. Non, non, Maxime, nous purgeons notre peine et après nous serons le seul parti possible l'un pour l'autre. Je t'aime, tu m'aimes et je t'épouserai. Il compte pas. Je te connais, Maxime. Non, non, tu me connaissais. Oh, que je suis sotte, c'est vrai. Maxime est transfiguré par l'amour de sa mère. L'avec par l'amour de Solange. Oh. Un peu tard. Quand je me suis embarqué dans cette affreuse aventure, je n'aimais pas Solange. Et tu t'imagines que son amour résistera au scandale? Pourquoi? N'as-tu pas avoué tout? Tu avais peur de perdre ta place? Non, j'avais peur de lui faire de la peine. Ce sublime bien, mon cher Fred cherche des preuves. Il les aura ce soir et je te conseille de tout dire à Solange et nous verrons le résultat. Solange m'aime, elle souffrira, mais elle comprendra. Ouais, elle abandonnera mal mort son fils et elle te suivra n'importe où. Margot, je ne suis pas coupable. Et ça? Ça quoi? Ta lettre. Quelle lettre? Feu l'innocent, tu aimes Solange. Et hier, tu m'as envoyé cette lettre. Je l'ai trouvée au courrier de ce matin. Je ne t'ai jamais envoyé de lettre. Montre-moi cette lettre. Tu dois la connaître par cœur, je présume. Oh. Oh, c'est un chantage. Un chantage ignoble. Assez ignoble, je ne te le fais pas dire. On me prie. Pourquoi moi? De prévenir Solange et de te prévenir que votre liaison sera l'objet du prochain scandale. À moins que Solange ne paye. Et la somme est ronde. Un chantage. Et tu as raffiné la malice jusqu'à te menacer toi-même. Et par l'intermédiaire de qui? De moi. Tu n'as pas poussé l'imprudence jusqu'à te l'envoyer à toi. Non, cette lettre n'est pas de moi, je le jure, je ne l'ai pas écrite. Qui donc l'a écrite? Toi! Tu perds la tête! Tout te dénonce! Tu voyais approcher le dénouement et tu sentais que rien ne détacherait Solange de ma personne, dans la chance ou dans la malchance. Et tu as machiné d'écrire cette lettre, qui aura l'air d'être de moi et qui me montrera sous un jour abject. Là! Oui! Tu sais que cette lettre n'est pas écrite par moi puisque tu l'as écrite. Et tu as l'audace de m'en charger, de te nettoyer. Tu espérais effrayer Solange, qu'elle paierait avec cet argent, tu comptais prendre le lard! Margot, écoute, cette lettre n'est pas de moi et qu'elle soit de toi a été notre dernière chance. Si elle n'est ni de toi ni de moi, de qui est-elle? De la machine à écrire. Et la machine à écrire, c'est toi! Non. Sors de là, Maxime! Margot, je te supplie de me croire. Je ne suis pas la machine à écrire. Je ne sais pas qui c'est. J'ai essayé de te faire croire que c'était moi et j'ai essayé de le faire croire à Fred parce que ma médiocrité me dégoûte et que je voulais briller n'importe comment, pour n'importe quoi! Non, très facile, le crime t'arrange jusqu'à ce qu'il te dérange. Fred est un policier, Solange te loge, aussitôt tu n'es plus criminel et la machine à écrire est un mythe. Margot, la machine à écrire n'est pas moi et elle menace Solange, il faut agir. Si c'était vrai, Maxime, je t'en voudrais plus de m'avoir entraîné dans le ridicule que de m'avoir pris pour complice. Oh, cesse de te monter la tête. Nous sommes des enfants et nous avons agi comme des enfants. Non, je t'aurais laissé marcher si Solange n'était pas en jeu. N'insiste pas, je refuse de te croire. Solange, t'es commode, mais tu m'aimes, moi, et personne d'autre. Mais tu n'es pas fait pour Solange, mon pauvre Maxime. Notre voiture de noces sera un panier à salade. Pascal, Didier, Solange, Fred, c'est la société. Nous, c'est le rebut. Bon, il faudra bien que tu retournes à tes drames en cinq actes et que tu me fiches la paix. Insulte-moi. Plus tu te fâches, plus je te trouve superbe. Je n'ai rien de superbe, mais tu es une folle. D'ailleurs, les cinq minutes passent, et je t'affirme que je n'ai pas écrit cette maudite lettre. C'est toi ou la machine? Ce n'est pas moi, c'est toi! Ce n'est pas moi! C'est toi! Ne me pousse pas à bout, Margot, je vais te gifler! Gifle-moi, je te rends ta gifle! Ce n'est pas la première fois que je descends dans des gifles! Tu te rends pas compte de l'état dans lequel je me trouve, Margot! Attrape-moi! Gifle-moi! Mais si je t'étrangle, je... Lâche ce tisonnier d'abord. N'approche pas, je te le conseille. J'étais prête à t'aider, à couvrir cette dernière manœuvre, tout en m'arrangeant pour empêcher Solange de répondre. Cette manœuvre me prouvait ce que Solange représentait pour toi. Mais puisque tu renverses les rôles, je parlerai! Je me mettrai! Mais que se passe-t-il, mes enfants? En garde, monsieur le duc, en garde! Je suis une des meilleures épées de France et nous verrons si vous êtes un lâche. Ouf! Bravo! N'est-ce pas, Solange, que c'est le moment ou jamais d'écrire des drames comme le bossu? Maxime ne veut pas me croire. J'entendais un tel vacarme, je croyais que vous vous disputiez. Margot, comme vous êtes pâle. C'est grâce à mon talent d'actrice. Solange, Margot ment. Elle a l'esprit plus rapide que moi. Elle a vu la porte. C'était donc un vrai drame. Ne l'écoutez pas, Solange. Solange m'écoutera. Margot, remets ce tisonnier en place. Tenez, Solange, lisez cette lettre. Ah. Il fallait s'y attendre. Quand avez-vous reçu cette lettre, Margot? Écoutez-moi, Solange. Ce matin, au courrier de ce matin. Margot, je vous dois des excuses. Quelles excuses? Chacun se défend comme il peut. Vous mentez très mal. J'ai tout de suite su à quoi m'en tenir. Et que me conseillez-vous? Solange, si j'étais... Tu permets? Solange, il faut donner cette lettre à votre flic et je m'arrangerai avec lui pour porter une fausse réponse à l'endroit qu'on désigne. C'est 100 fois trop dangereux. Oh, ne vous en faites pas pour Maxime. Oh, Margot! Peux-tu m'empêcher de reprendre le tisonnier? Il voulait me battre. Oh, Maxime. C'est une garce. Écoutez-le. Ah, tu le prends sur ce ton. Eh bien, mon bonhomme, tu l'auras voulu. Mes enfants, je vous en prie. Oh, regardez ces tics. Mais quel tic. Maxime, Maxime, je me tairai. Maxime, tiens-toi tranquille. Oh, il était à bout de nerfs. Maxime, couche-toi. Oh, Maxime, viens t'étendre. Mais oui, nous t'aiderons. Nous t'aiderons, Maxime. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est terrible, ne bougez pas, Fred. Maxime s'est évanoui. Oui, je connais, laissez-moi faire. Allez, Maxime, debout. N'épouvantez pas ces femmes, plus vite que ça, debout, allez, hop. Vous osez prétendre que je suis un simulateur? Il ose prétendre que je suis un simulateur. Du calme. Est-ce possible? Voilà, le personnage, le voilà. Le même salon, à Malemort, chez Solange. C'est la nuit. La fenêtre est ouverte sur les ténèbres. Solange s'y penche et parle à Maxime qui s'éloigne dans le parc. Maxime! Maxime! Écoute! Quoi encore? N'y va pas, je t'en supplie! Affiche-moi la paix, j'irai! Laisse cette bicyclette, remonte! J'irai, n'essaie plus de me retenir! Tu vas commettre des imprudences! Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Oh, Maxime! Attends encore 5 minutes, je vais descendre. Dans 5 minutes, je serai loin. Maxime! Maxime! Maxime! Vous ne sortirez pas de cette chambre. Oh, par exemple. Vous m'obéirez. Ouvrez cette porte et lâchez-moi. Solange! Donnez-moi la revolver. Je ne l'ai pas. Vous l'avez, donnez-le-moi. Eh bien, oui, je l'ai. J'ai eu la faiblesse de vous croire et de lui prendre. Ce revolver m'épouvantait. Et maintenant, Maxime court à ce rendez-vous, désarmé. Il n'a pas besoin d'être armé. Il ne lui arrivera rien. Laissez-moi sortir. Mais c'est absurde. Maxime est à bicyclette et vous ne savez même pas où cette cabane se trouve. Enfin, vous rendez-vous compte de l'état dans lequel vous m'avez mise? Je suis capable de n'importe quoi. Mais c'est parce que vous êtes capable de n'importe quoi que j'aurai ce revolver. Je l'ai. Je ne le confisque pas, je le mets dans ma poche. De quel droit osez-vous me prendre ce sac? Et me donner des ordres. C'est un droit que je prends. J'étais habitué à avoir en vous un ami. Moi, je vous considérais comme un fonctionnaire de la police. Je suis de la police pour vous sauver. Et si je ne veux pas qu'on me sauve? Je n'ai besoin de personne. Peut-être un jour aurez-vous besoin d'un chien de garde. Voilà donc pourquoi vous persécutez Maxime. Je vous répète qu'il ne risque rien. Alors, vous connaissez le coupable? Nommez-le. Vous l'apprendrez avec les autres, à minuit. Bon. Si vous le saviez, vous ne refuseriez pas de me le dire. Je refuse parce que j'ai un plan. Vous n'êtes pas dans votre état normal et que si je vous le confiais, vous le feriez manquer. Tout mon travail deviendrait inutile. Et si Maxime n'est pas le coupable? Allez, si Maxime n'est pas le coupable. S'il n'est pas le coupable, pourquoi vous acharnez-vous à nous désunir? Vous étiez plus lucide tantôt. N'avez-vous pas avoué vous-même que vous couriez après une ombre? Que cette aventure ne pourrait avoir de suite? Non, je mentais. Vous connaissez mal les femmes. Vous n'êtes pas une femme comme les autres. Moi, voilà ce qui vous trompe. Je suis une femme comme les autres. Pire que les autres. Vous aimez un fantôme. Ceci me regarde. Et moi, je vous empêcherai de vous perdre pour un fantôme. Je vous en empêcherai de toutes mes forces. J'empêcherai ces enfants de jouer aux fantômes. Si toute la jeunesse se mettait à jouer aux fantômes, la France deviendrait un pays fantôme. La réalité ne tarderait pas à tomber dessus. Je me moque des histoires de fantômes. Mon amour est une réalité. Je suis une pauvre femme qui aime. Et qui n'en peut plus. Vous abandonneriez Malemort? Vous abandonneriez votre fils, Solange? Que s'est-il passé entre vous et Maxime après sa fausse crise? Après mon faux départ? Vous refusez de me répondre? Très bien. Très bien, je répondrai à votre place. Je vais vous le dire, moi, ce qui s'est passé entre vous. Maxime vous a raconté son mensonge. Il sanglotait, vous le berciez, et tout à coup, vous vous êtes aperçu que c'est un enfant que vous teniez dans vos bras. Oh, je voudrais être mort. Vivez, Solange, mais ne vivez pas avec un énergumène. Réveillez-vous, reprenez-vous. Vous n'êtes pas une Margot, que diable. Vous voulez faire entendre que Maxime et Margot sont faits l'un pour l'autre? Rendez-moi ce revolver. Non. Vous croyez que je ne souffre pas de voir votre souffrance? Vous croyez que c'est agréable de jouer le rôle que je joue? Non, pardonnez-moi, Fred. Hein? Je n'ai plus ma tête, je ne sais plus ce que je fais, je ne sais plus ce que je dis, je suis plus de force. Je cède. Agissez comme bon vous semble. Vous serez calme. Oh, je crois que j'essaye. Jurez-moi que vous attendrez sans commettre d'extravagance. Que vous allez essayer de dormir un peu. Je passe au journal avant le tirage et je reviens. Rendez-vous général à minuit. Cette histoire est une histoire de fantôme. C'est à minuit qu'elle doit finir. Je ne pourrai jamais rester seule. Je vous accompagne. Impossible. Vous ne devez pas me suivre au journal. Alors je descends avec vous et je marcherai sur la route à la rencontre de Maxime. Quelque part. Mais soyez tranquille, je ne connais même pas le chemin qu'il a pris. Je peux compter sur vous? Non, je vous jure. Je mets une cape. Attendez-moi. Non. Fred. Rendez-moi le revolver de Maxime. Jamais. Oh, Fred, vous m'avez fait peur. Nous sommes en avance? C'est-à-dire que je sortais. Je sortais avec Solange. Elle était montée prendre une cape. Déjà? Bonjour, Margot. Vous devriez dire bonsoir. Je m'apprêtais à sortir, mais je reste. Bravo! Je vous laisse ensemble. À tout à l'heure. Je ne vous gêne pas, Solange? Je ferai comme chez moi. Non, non. Non, je ne voulais pas être seule. Vous me tiendrez compagnie. Je reste. Oui, Pascal. Pascal ne viendra pas à minuit. Il ne viendra pas au rendez-vous de Fred? Ni Pascal ni Didier. Je ne crois pas que Fred tienne à ce que les frères se rencontrent. Du reste, Pascal est malade, il a la fièvre. Je crains une rechute. Papa le soigne. Mais je voulais vous voir d'abord. Maxime va venir? Oui, il devrait être là. Son retard commence même à m'inquiéter énormément. Solange, vous savez tout? Tout quoi? Vous savez qui? Et Maxime? Margot, Maxime n'est pas la machine à écrire, il vous a monté. C'est à vous qu'il l'a monté, ma chère Solange. Mais il n'est pas coupable, j'en ai la certitude. Mais s'il n'est pas coupable, Solange, c'est un bien triste individu. Mais vous rendez-vous compte de ce que vous arrivez à dire et où vous mèneront vos folies? Mes folies. Mais savez-vous ce que c'est, vous, la dame de Malemort, bien assise dans une existence confortable? Savez-vous ce que c'est que d'être de nulle part, que de sortir de la rue, que de jouer des rôles et de mettre des costumes de théâtre pour essayer de se croire quelqu'un ou quelque chose? Savez-vous ce que c'est que de vivre sans état civil en face de toute cette province hypocrite qui me méprise et qui me persécute? Savez-vous ce que c'est que de n'avoir comme arme que ce que vous appelez mes folies? Savez-vous ce que c'est que d'aimer un homme sans oser l'épouser parce qu'on se demande chaque minute s'il ne vous le reprochera pas un jour? Savez-vous ce que c'est? Et qui vous a dit? Et vous a dit que je ne souffre pas le martyr de me trouver brusquement en face d'un enfant qui s'amusait? Au lieu de me trouver en face d'un pauvre être révolté, sauvage, seul et privé de tendresse. Savez-vous si je ne tombe pas au fond de l'abîme? Savez-vous si je ne pense pas à me tuer? Oh, Solange! Par une révolte enfantine contre votre naissance et contre le monde, vous complotez, vous intriguez, sans vous rendre compte qu'il existe des femmes idiotes qui aiment et qui croient. Des âmes violentes qui risquent de se trouver prises dans vos intrigues. Écoutez, Solange! Écoutez d'abord! Regardez une malheureuse qui n'a plus devant elle que des enfants qui jouent. Qui joue et qui la piétine. Oh, Margot, vous ne saurez jamais le mal que vous avez pu me faire. Solange. Oh non, non, laissez-moi. Solange, je ne savais pas, je ne me doutais pas, je ne suis pas méchante. Non, vous n'êtes pas méchante, c'est pire. Vous faites le mal sans vous en rendre compte. Moi encore, j'avais des excuses. Mais Maxime n'en a pas. C'est un fou, c'est un monstre. Oh, il n'est ni un fou ni un monstre, Margot. Tout est ma faute. Et je n'ai que ce que je mérite. Je serais curieuse de savoir ce que l'oncle Fred pense de ce rendez-vous. Il affirme que Maxime ne risque rien, qu'il n'y trouvera personne. Et pourquoi ? Mais vous faites fausse route, ma petite Margot. Il n'est pas le coupable. Oh, je paierai cher pour qu'il se montre à vous tel qu'il est, pour que vous puissiez le voir tel qu'il est. Oh, je l'aime tel qu'il est, Margot. Non, Solange, vous ne l'aimez pas. Il vous a jeté de la poudre aux yeux, comme à moi, comme à tout le monde. Et c'est trop bête. Parce que moi, je connais quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui mérite qu'on l'aime et qu'on vive avec lui. Quelqu'un... Je vous en prie, Margot. Vous savez à merveille de qui je parle. Taisez-vous. Je ne me tairai pas. Je réparerai le mal que j'ai fait. Je... Trop tard, Margot. Trop tard. Écoutez-moi et croyez-moi. Vous avez été folle, mais vous êtes digne de Pascal. Moi, j'ai été folle et je le reste. Je ne suis pas digne de la personne dont vous parlez. Tout est fini. Fini. Tout est impossible. Solange. Solange. Rien n'est impossible, Solange. Tableau. Maxime. N'ai pas le droit d'arriver en avance, peut-être, et de parler à Solange. Oh, vous avez tous les droits, mesdames, tous les droits. Solange est mon ami. Je m'en doute. Dès qu'un homme a le dos tourné, les femmes se liguent et le mettent en pièces. Ça peut être grotesque. On complote avec mademoiselle et sans doute on complotait avec le flic de la famille. Quel milieu. Il vaut celui d'où tu sors. Tout juste, et il vaut l'assistance publique. Un raté, voilà ce que tu es, un raté. Un raté sur toute la ligne. Un raté qui avait l'innocence de croire qu'une personne au monde lui voulait du bien. Tu n'as pas le droit de parler de Solange. Tiens, tiens, et pourquoi ? Solange est comme les autres. Je ne le croyais pas, je l'avoue, c'est ma dernière surprise. Vous vous valez tous. Et ce fameux rendez-vous ? Fais l'innocente. Je devais être la seule personne à croire que j'y rencontrerais le coupable. Rien ne manquait de programme, jusqu'à la scène pathétique de la fenêtre. Maxime, Maxime, n'y va pas, Maxime ! Vous m'avez expédié à cette cabane à seule fin de vous moquer de moi, de m'éloigner, de vous réunir. Tu savais fort bien pourquoi tu ne devais y trouver personne à cette cabane. Est-ce que tu cherches à insinuer ? Je ne cherche pas à insinuer, je t'accuse, je ne marche plus. Tu savais n'y trouver personne parce que tu as écrit cette lettre toi-même et que la machine à écrire, c'est toi. Oh, sale menteuse ! J'arrive à temps. Police ! Dis-lui juste. Je tiens ma promesse, vous êtes tous là. J'ai autorisé Dudier et Pascal à ne pas venir. Vous avez peur de moi ? Idiot ! Pascal est malade. Et il aime mieux que je lui raconte les choses que d'y assister. Mais c'est indélicat, c'est une petite nature. Tu riras moins dans quelques minutes, mon bonhomme. Le dénouement. Oui, le dénouement. Finissons-en vite. Alfred, arrête-le. Je n'arrête que les coupables. Et grâce au ciel, ni vous ni Maxime ne l'êtes, que je sache. Il y a quelqu'un que je voudrais faire entrer dans cette chambre. Vous permettez, Solange ? Quelqu'un ? Je vous ai promis des fantômes. Monique, entrez, entrez. Vous connaissez notre demoiselle des postes. Monique Martinet. Monique ? C'est juste. Fred est malin. Elle doit en savoir plus que tous sur les lettres. Ne me touchez pas, mademoiselle Margot. J'ai écrit les lettres. C'est moi, la machine à écrire. Vous ? Comment vous, la... Oh. Monique Martinet. M.M. Vous, Monique, vous ? Mais belle comme vous l'êtes, vous pouviez prétendre à n'importe quel mariage de premier ordre. Ce mariage devait avoir lieu. La famille a refusé. Le jeune homme s'est tué. Je me vengeais. Et ensuite ? Ensuite, j'ai voulu mettre de l'ordre. Il fallait que les choses arrivent. C'est faux ! Ce n'est pas elle ! Et là, je possède des preuves. Monique ! Monique ! Cet après-midi, lorsque j'ai été vous prendre à la poste pour aller chez vous, qui avons-nous rencontré en route ? La baronne. Elle est très grosse, la baronne. Oui, monsieur l'inspecteur. Et avec la baronne ? Il y avait la femme de chambre, les chiens. Et encore ? La Victoria qui suivait derrière. Et que s'est-il passé après que nous avons eu croisé ce cortège ? La baronne s'est retournée, surprise de me voir au bras d'un monsieur de la ville. Et qu'avez-vous fait, Monique ? Je lui ai tiré la langue. La baronne s'est trouvée mal. Et pourquoi avez-vous tiré la langue ? Il fallait bien que je signe toutes mes lettres d'un seul coup. Monique, Monique, derrière votre grillage, vous deviez guetter vos sales victimes, être heureuse, heureuse. Vous avez dû connaître des minutes d'exaltation extraordinaire. Non, je détestais mon grillage. Il fallait que les choses arrivent. Suis-je libre de me retirer, monsieur l'inspecteur? Ma petite Monique, vous êtes libre. Vous allez rentrer seule chez vous? J'ai l'habitude, j'ai ma lampe électrique. Vous allez rentrer seule et demain matin, vers 9h, j'irai vous chercher à la poste. Si vous n'y êtes pas... J'y serai, monsieur l'inspecteur. Comprenez-moi bien. Si vous n'y êtes pas, la nuit est encore longue. Oh, pardon. Je ne comprenais pas. Non, merci, monsieur l'inspecteur. Je serai à la poste. Je veux qu'on m'arrête et qu'on me juge. Il faut que les choses arrivent. Parfait. Alors, à demain. À demain, monsieur l'inspecteur. Et voilà. Elle est complètement folle. C'est une folle. Non, le chagrin, la solitude, la méchanceté des gens, l'idée fixe. La méchanceté d'une ville peut rendre fou. Fred, croyez-vous qu'elle risque la peine de mort? Elle? Il y a la médecine. Et puis j'entends d'avance son avocat. Est-ce à des familles comme les vôtres, messieurs les jurés, que cette jeune fille expédiait ses menaces? Non. Elle bénéficiera des circonstances atténuantes. C'est terrible, Fred. Terrible. C'est bien pourquoi j'ai tenu à vous montrer un coupable. Ça n'est pas drôle. J'ai joué avec le feu du ciel. Et j'aurais juré que c'était Maxime. Pas moi. Ni moi. Merci. Alors, Solange, tu me supporteras sans le moindre prestige. Tu me pardonneras. Maxime, j'ai à te parler, c'est grave. Il faut que je te parle. Il faut que je vous parle à tous. Réfléchissez encore, Solange. Je sais ce que vous allez nous dire. Et vous avez raison, c'est grave. Réfléchissez. J'ai réfléchi. Je ne fais que réfléchir depuis le retour de Maxime. Je parlerai. Vous êtes seul juge. C'est exactement le mot. Parlez. Je sais aussi bien que vous ce qu'elle va dire et ce que vous essayez de l'empêcher de dire. Tu aimes cet homme, hein? Tu ne m'aimes plus. Maxime. Fred ne se fait aucune illusion, n'est-ce pas, Fred? Une femme de mon âge ne cesse pas d'aimer parce qu'elle le décide. Non, ne bouge pas. N'ajoute pas à mon désastre. Je souffre assez sans y ajouter des crises d'attendrissement et de larmes. Tu t'en tires à merveille, tu es très forte, je te connais. Tu ne me connais pas. Personne ne connaît personne. Moi, je vous connais, Solange. Et moi, je vous connais tous. Margot, vous croyez connaître Pascal? Qui est-ce? Un crétin que Margot épouse. Et Margot se résigne. Dire que je me résigne, c'est excessif. Oui, enfin, vous le trouvez un peu en dehors de vos rêves. Il est incapable de cacher quelque chose. Pauvre Pascal. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir été l'amant de Mademoiselle Martinet et de l'avoir lâché en 5 minutes parce qu'il vous aime. Vous, Margot. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de brigand? Ce ne sont pas des histoires de brigands. Je ne te savais pas devenu détective, Solange. Je connais les moindres secrets de la vie. Mademoiselle Martinet était la maîtresse de Pascal. Il n'est donc pas si simple que vous le dites. Ah, si c'est vrai, Margot le trouvera immédiatement admirable. Oh, exact, si c'est vrai, Solange, vous ne savez pas le cadeau que vous nous faites. Je ne lui en parlerai pas. Il y aura enfin un secret entre nous. Enfin un peu d'ombre. Acceptez ce cadeau de mariage. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Si Pascal savait que Monique et la machine ne faisaient qu'un, il était son complice. Non, mon cadeau est plus modeste. Pascal ne savait rien parce qu'il n'y a rien. Cette fille a joué la comédie pour se rendre intéressante à ses yeux. Encore une. Comment, Monique Martinet n'est pas le coupable? Elle n'est pas le coupable. Et le coupable, qui serait-il? Moi. Toi? Vous? Moi. Et je m'en vante. Demandez à Fred. Pauvre Fred. Il se donne tant de mal pour me sauver. Son silence m'accuse davantage que ses paroles. Fred, c'est vrai? C'est vrai, hélas. Solange, comment avez-vous pu faire une chose pareille? Ça, Margot, c'est énorme. Margot a raison, c'est un cri du cœur. Il existe un monde entre imaginer une chose ou la faire. Prouve-le. Tu n'es pas plus coupable qu'elle. Toi aussi, tu veux te rendre intéressante, ma fille, hein? Tu veux intéresser ton fils. Tu rêves, Maxime. Margot rêve. Monique Martinet rêve. Moi, je ne rêve pas. J'agis. L'auteur des lettres anonymes, c'est moi. Mais pour quel motif les aurais-tu écrites? Là, j'aimerais savoir. Fred l'a deviné depuis le premier jour. Fred, quand avez-vous compris que j'étais coupable? Pas depuis le premier jour. Je le soupçonnais. Je refusais de l'admettre. Je n'en ai eu la certitude qu'à votre sursaut en apprenant que j'étais de la police. Je croyais avoir été très habile. Vous seriez habile si vous étiez méchante. Vous n'êtes pas méchante, Solange. Malgré cette abomination des lettres, j'ai toujours insisté sur la justice particulière de l'expéditeur. Il frappait le mal. Comme vous avez dû vous moquer de moi. Et de moi. Oh, Maxime. Non. Ceux qui ne font pas les choses les racontent. Ceux qui les font se taisent. Ma dernière lettre était pour écarter Maxime de mes intrigues. Je ne vous en voulais pas, Margot. Je ne vous en ai même pas voulu de la rupture de mon mariage. Et c'est de là, pourtant, que tout date. J'ai caché mon amertume. J'ai bien pris mon calme. J'ai tissé ma soie. La haine me sortait du cœur comme un fil de soie. Et j'attrapais mes victimes et je les enroulais dans mon fil jusqu'à ce qu'elles se tuent. Solange, vous m'effrayez. Il y a de quoi. Solange, tu mens. Elle n'est pas coupable. Solange n'a tué personne. Mais enfin, explique-toi. Fred, j'ai été la femme d'un ivrogne qui me rouait de coups et qui est mort gâteux. Je suis restée veuve avec Claude, seule, à Malemort, au milieu d'une société ignoble qui m'enviait et qui m'évitait. Je voyais partout une chance absurde de favoriser les manœuvres de ces monstres. L'un faisait déshonorer le fiancé de sa fille parce qu'il était pauvre. L'autre, le colonel, séquestrait sa sœur dans une cave et jouait sa fortune. Et je vous passe le reste. J'en voulais à toute la ville. À tous ces faux bonheurs. À toutes ces fausses piétés. À tous ces faux luxes. À toute cette bourgeoisie hypocrite, égoïste, avare, inattaquable. J'ai voulu remuer cette boue, attaquer, démasquer. C'était un vertige. Sans me rendre compte, j'ai choisi l'arme la plus sale et la plus crapuleuse. La machine à écrire. Combien de fois j'ai tremblé qu'on me prenne la main dans le sac. Je vous fais grâce du détail de mes ruses et de mes angoisses. Quel cauchemar! Maxime est tombé ici. Je l'ai aimé. J'ai éloigné Claude. Je voulais vivre. Et j'ai continué mon manège pour garder Maxime, pour me défendre, pour empêcher qu'on bavarde, pour épouvanter, pour lutter de toutes mes pauvres forces contre la solitude, contre la mort. Si les circonstances ne s'étaient pas mises contre moi, j'aurais été jusqu'au bout. Oui, oui, j'aurais nettoyé la ville. Seulement, vous vous êtes mis à jouer les coupables. Et Fred a miné mon chef-d'œuvre. Je n'avais jamais connu un être pur. Il m'avait fait honte, Fred. Honte de moi. Honte de ma dégoûtante entreprise. Honte de mon amour. Et tout le monde est affreux. Moi, je t'admire, Solange. Filons ensemble. Mais qu'est-ce que j'ai d'admirable? Non, Maxime, non. Vous admirez trop le mystère, Margot et toi, grand bien vous fasse. Moi, j'en ai assez des mystères. J'ai trop crevé dans l'ombre, trop crevé de solitude, à Malemort avec ma machine, mes aimes, mes courses la nuit, mes mensonges. Je veux parler, parler, parler. Je parlerai, je me livrerai, je me défendrai, je leur tiendrai tête. Ils n'auront pas ma peau. Du calme, Solange. Le plus sage serait que je vous fasse partir pour l'étranger avec Claude. Croyez-vous que j'accepterai qu'on arrête cette petite même 24 heures? On s'apercevra que c'est une folle, soit. Vous serez ridicule et elle perdra sa place. Vous lui en trouverez une autre et après. Non, Fred, non. Non, il y a une minute où le silence éclate, où ceux qui se taisent étouffent. J'exige un scandale, j'exige qu'on me juge. On m'acquittera ou on m'enfermera, peu importe. J'exige un point final. Le vague me rend très folle à mon tour. Vous ne pensez pas à Claude, à son collègue? Tout vaut mieux que la fuite. Non, je ne trouve pas. Les êtres tels que nous prennent la fuite et disparaissent. Tels que nous? Maxime, écrirais-tu des lettres anonymes? Non. Tu es un innocent, Maxime. Non, tu es plus innocente que moi. Les coupables, c'est une race, la mienne. Tout m'expulse de la société. Que je n'ai pas la force de faire le mal ne m'innocente pas, au contraire. Oh. Oh, parfait. J'ai compris. Je disparais. Ça, vous ne me reverrez plus. Maxime, Fred, laissez-moi parler à cette énergumène. Écoute, Maxime. Non. Écoute, Maxime. Nous nous sommes mêlés à la légère d'un drame qui nous dépasse. Fred a parlé à Didier et à Pascal. Il te bousculait, mais il t'adore. Notre famille est une famille qui se dispute et qui s'adore. Rentre à la maison. Il faut que j'aide Solange et que Margot rejoigne Didier et Pascal. Ils doivent mourir d'inquiétude. Il est une heure impossible. Accompagnez Margot jusque chez vous. Chez moi, vous en avez de bonnes. Didier et Pascal t'attendent les bras, mon père. Et à quoi cela servirait-il, grand Dieu? Sait-on jamais. Mais tu as tort de vouloir faire le malin. Solange ne peut plus te garder auprès d'elle. Rentre. Oh, oh. Tu ne vois donc pas que tu la tortures. Ouais, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, comme toujours. Moi, je sens les choses. Moi, j'ai le droit de me mêler des choses. Moi, je suis auteur dramatique, mon vieux. Laisse-moi rire. Tu peux rire. Judith prédisait toujours que je serais auteur dramatique. Mais elle se moquait de toi. C'est à moi que maman disait, Maxime, tu seras un acteur. Un joli acteur qui se joue des pièces à lui-même. Bel auteur dramatique en chambre. Par exemple. J'en ai assez, j'en ai assez. J'en ai assez de vos combines. Et je file. Accompagnez Margot, Maxime, et retournez chez vous. Vous filerez demain. Bon, Solange, avant que je parte, dis, veux-tu m'embrasser? Ah, ça, non, non. Non, Maxime, non. Pars vite. Pars à toute vitesse. Ne me regarde pas, je te le demande. Cette scène est au-dessus de mes forces. Mais va donc, va donc, va donc. Mais ne comprends donc pas que je meurs. Oui, je comprends à merveille. Reste avec ton flic. Pauvre gosse. Allez, vivement, Margot. Rattrapez-le, entourez-le. Ramenez-le chez vous. Oh, je le connais, il court entraînant la jambe, on ne le changera pas. Solange, votre vie, c'est Fred. Je le sauve. Fred, je le rattraperai et je le convaincrai. Merci. Oh, Fred, oh. Oui, je sais, courage. Du courage, mais oui, vous que j'en trouve. Margot aime Maxime. Maxime aimera Margot. Ils courent dans la nuit. Ils se disputent, je les vois. Et ils suivent leur tourbillon. Vous n'entrez pas dans le système. Vous resterez toujours en dehors de leur ronde. Laissez-les jouer aux gendarmes et aux voleurs. Craignez leur cache-cache. Oubliez-les. Je ne pourrai jamais oublier Maxime. Mais je ne vous demande pas de l'oublier. Je vous conseille de le quitter avant qu'il ne vous quitte. Vous étiez parfaitement lucide quand vous m'avez dit que vous aimiez un fantôme. Il disparaît au chant du coq. Allons, Solange, soyez énergique. Faut que je m'occupe de vous. Un tribunal ne plaisante pas. Un tribunal? Imaginez cette ville demain. Les journaux, les crieurs de journaux, les quinconces, votre fils à Paris, le triomphe de tous ces misérables. Ah oui. Oui, j'imagine. J'imagine. Je viens d'être lâche. Oh, je me dégoûte. Je dois me battre, Fred. Je dois faire face au scandale. Je dois vaincre. Je dois les vaincre. Je dois gagner. Vous ne gagnerez pas. Vous êtes payé pour savoir ce que c'est qu'une ville de province, pour connaître la puissance de la bourgeoisie et de l'argent. Et vous prétendez entrer en guerre contre ces forces occultes et terribles. Perdez la tête, Solange. Vous avez voulu les avoir, ils vous auront. La justice existe. La justice n'aime pas qu'on se substitue à elle, qu'on exécute son travail. Vous avez voulu vous substituer à la justice. Elle ne vous le pardonnera pas. Voyons, voyons, voyons, Solange. Écoutez, vous avez commis pour la bonne cause, soit la pire des infamies. Hein? Ah, vous le reconnaissez vous-même. Qui admettra que vous agissiez sans vous rendre compte? Qui admettra que vous étiez victime d'un vertige? Qui admettra que l'amour d'un gamin vous obligeait à vous défendre? Vous êtes coupable aux yeux de tous. Savez-vous ce qu'il y avait sur ma fiche, Quai des Orfèvres? Fonctionnaire sentimental. C'est pour ça qu'on m'a rappelé d'Indochine. Moi seul, je vous ai absous et j'admets. Je connais vos mobiles. Mon verdict est formel, non coupable. Mais je serai seul à le rendre. Mais c'est possible. Alors je paierai. J'ai employé le moyen le plus lâche qui existe au monde. Si je perds la partie, je paye. Avec un médecin et quelques rires, je bouclais l'affaire de Mademoiselle des Postes. La vôtre, je ne prévois pas où elle nous emmène. Non, non, Solange, croyez-vous que ce soit la première affaire qu'on classe? La première affaire qu'on étouffe? Croyez-vous qu'un seul de ces bourgeois de la ville permettrait à une affaire qu'il concerne d'éclater? Soyez pas naïve, soyez pas confiant. La confiance ne règne pas dans cette ville. On se vengera de votre château, de votre parc, de votre élégance, de votre réserve, de votre amour. N'ajoutez pas de mal au mal, la boue à la boue. Le scandale rejaillirait sur Didier et ne rendrait service à personne. Ne guérirait personne, ne ressusciterait personne, ne rendrait personne meilleur. Brûlons vos doubles. Jetons cette affreuse machine dans le lac. Annoncez que vous allez rejoindre Claude. Je vous enlève. Je serai traqué, Fred. Savez-vous ce que c'est que d'être traqué, vous qui traquez les autres? Au bout du monde, je croirais qu'on me recherche, qu'on me regarde de travers. Au bout du monde, je sursauterai chaque fois que j'entendrai quelqu'un taper à la machine. Je craindrai au bout du monde qu'on ait repêché cette machine et suivi ma fiste. Oh, j'aime mieux qu'on m'enferme. Vous le dites parce que vous n'êtes pas en prison. Alors quoi? Vous aimez mieux vivre en prison que vivre près d'un homme qui vous protégera, qui vous entourera, qui vous aimera, qui vous respectera, qui servira de père à votre fils et qui dissipera vos craintes. Fred, je n'aime pas la pitié. Votre amour y ressemble singulièrement. Oh, En outre, je ne vous imposerai ni le fantôme de Maxime, ni le fantôme de mon crime. Ce ne sont pas des fantômes de voyage. Ce sont des fantômes de prison. Oh, la prison n'est pas la seule chose qui vous menace. Mais que faire? Alors que faire? Margot parlera. On ne la croira pas si elle parle. Et je serais étonné qu'elle parle. Écoutez, Fred, je suis profondément touché de vos efforts. Profondément touché. Mais ma décision est prise. Une femme comme moi ne se sauve pas en face du danger. C'est plus que du danger. Une femme comme vous pense à son fils et aux personnes qui la aiment. Une femme comme vous pense à l'avenir. Oh. Au point où j'en suis, tout m'est égal. Oui, vous tenez absolument à vous mettre dans la gueule du loup. C'est mon unique planche de salut. Bon. Bien. Eh bien, je vous en empêcherai de force. Mais laissez-moi tranquille, Fred. Je suis encore non, libre. Non, non, Salon, je vous n'êtes plus libre. Non, vous êtes ma prisonnière. Oh, Fred. Pendant que Fred la serre dans ses bras, Solange glisse lentement la main dans sa poche et la retire. Lorsqu'ils se séparent, elle se dirige vite vers la cape et cache son bras avec. Fred, je vais chercher la machine et les doubles. Non, non, ne me suivez pas, attendez-moi. Avec vous, mes recherches prendraient un vilain air de perquisition. Hâtez-vous. Je ne serai pas longue. Solange sort. Fred, resté seul, marche de long en large. Le malaise de Malemort et de la nuit commence à le prendre. Tout à coup, il s'arrête, frappé d'un soupçon, et tâte sa poche. Solange! Dans le cycle des émissions consacrées au théâtre de Jean Cocteau, la radiodiffusion française vous a présenté « La machine à écrire », pièce en trois actes. Nous vous en rappelons la distribution. Gabriel Dorzia, Solange. Michel Alpha, Margot. Marcel André, Fred. Serge Nadeau, Didier. Jean Deline, la demoiselle des postes. Pierre Leproux, le récitant. Et Raymond Pellegrin dans le double rôle de Pascal et de Maxime. Prise de son, Jean Jusforgue. Réalisation, Henri Soubéran.